Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 28e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et autour d'un VR, c'est l'émission pleine de bienveillance pour la VR et elle en a vraiment besoin en ce moment. Et pour m'accompagner, j'ai Majo le Rookie. Salut Majo. Bonsoir tout le monde. Salut. Ça va bien? Bonsoir Sei. Salut. Ensuite, nous avons Lolo l'Asticot. Salut Lolo. Salut tout le monde. Un asticot. J'ai toujours pas compris pourquoi on m'appelait l'asticot d'ailleurs. Je me tortille. Parce que t'as une petite... C'est pour ça. Ce qu'on m'a dit, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Bon bah voilà. Les gens veulent savoir. Et ensuite, nous avons prochaine vidéo YouTube, je la montre. Bah, ça va faire de la vue, moi. C'est ce que j'allais dire. Ça fera des vues. Ouais, Bitcoin nichant, ça passe toujours, quoi. Ça passe bien. Salut tout le monde. Cyril le videur, donc ouais, ça va bien. T'as pas trop froid dans ton sud? Non, ça va. T'as quoi là? Tu portes quoi? Des baskets? Tu rentres pas. Des baskets, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce truc? Des baskets, t'as des baskets au pied, tu rentres pas. D'accord, et bah pourtant on va quand même rentrer, on va rentrer dans le vif du sujet d'ailleurs, avec les news. Putain, t'as vu un petit peu cette introduction de fou. C'est magnifique. Les news du moment, à commencer par les 25 ans de la marque PlayStation, où ont été organisés les PlayStation Awards. Cyril. Ouais, et ben voilà, comme chaque année au Japon, il y a les PlayStation Awards qui se sont déroulés mardi dernier, fin d'après-midi, enfin je sais plus avec le décalage horaire. Enfin, j'y étais pas, hein, je vous rassure, j'étais chez moi. En plein jet lag. Chez moi au chaud. Et donc voilà, c'est les sempiternelles remises de trophées aux lauréats. Et puis bon, on va se contenter de parler des jeux VR qui ont été nominés. Alors, pas de grande surprise, puisque sur les trois lauréats, il y en a deux qui étaient présents déjà l'année dernière, à savoir Astrobot Rescue Mission de Japan Studio, le deuxième Beat Saber, et le troisième, alors c'est là où ça peut faire débat, où... La surprise. La surprise qui alors pour le coup, qui en est une, parce que quelque chose qui félicite et qui... je vais arriver à le dire, qui récompense les meilleurs jeux VR, sauf que, comme l'année dernière, a été élu un jeu qui est compatible VR, mais qui est VR que partiellement, à savoir Ace Combat 7, le fameux Ace Combat 7 que je me plais à toujours remettre encore sur le devant de la scène. Donc c'est un peu frustrant, je pense, pour les studios qui soient indépendants ou autres. Je pense à London Studio, par exemple, qui, eux, font l'effort de développer un jeu entièrement en VR, et au final, on récompense... une partie, enfin ceux qui ont fait une heure, deux heures de jeu VR. Alors, c'est la surprise. Certes efficace. Ouais, alors voilà, c'est la surprise parce que de ce côté-ci, si on récompense quelqu'un qui ne s'est pas investi à 100% dans la VR, mais de l'autre, quand on voit l'expérience, parce que c'est plus une expérience qu'un jeu, elle est tout simplement... je perds les mots, tu couperas, ça y est. Elle est tout simplement à posséder sur votre casque PlayStation VR, parce qu'au niveau de l'immersion, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle encore, et ça fait bientôt un an que la version VR est sortie, au même titre que le jeu. Et des sensations. Voilà. Alors, des sensations de ouf. L'inconvénient, c'est que ça fait deux fois que ça se reproduit, parce que l'année dernière, c'était GT Sport, avec là aussi une dimension VR qui était totalement réduite. Donc c'est un peu surprenant. Alors là aussi c'est très égocentrique, parce que c'est quand même les PlayStation Awards ont pour notion d'avoir... ça reste un peu nombriliste au niveau asiatique, et on se rend compte sur les trois lauréats qu'il y a quand même deux productions qui sont nippones. Donc on peut se poser la question de savoir si c'est pas un peu de la congratulation, de l'autocongratulation. On félicite un peu ses petits copains. Alors on dit, tiens, t'as fait quelque chose pour moi, tiens, Bandai Namco, tiens, je te file un prix, ça te fera plaisir, ça te fera une statuette de plus sur ton étagère. On peut le prendre comme ça, ou je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, je suis assez d'accord, c'est ce que je voulais rajouter quand il disait, c'est un peu le Japon pour le Japon, quoi. Enfin, tu vois, ou l'Asie pour l'Asie, c'est un peu ce que ça a l'air de donner, quoi. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu fais le comparatif avec Ace Combat et GT Sport. Je trouve que GT Sport, il a quand même une plus grande durée de vie, plus même de si c'est pas le jeu complet en VR, il a quand même bien plus grande durée de vie que S-Combat 7, enfin que l'expérience VR de S-Combat 7. Bah, pas sur ma console en tous les cas, parce que j'ai quasiment pas joué. Bah oui, elle marche plus. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais autant... Au niveau du contenu, il y en a quand même plus. T'as plus de voitures, t'as plus de circuits. Niveau rejouabilité, bon voilà, tu peux toujours jouer plus souvent. Après, effectivement, ça va être moins fun dans le sens où... Ou à S-Combat, enfin voilà, t'es quand même aux commandes d'un avion de chasse et t'as le côté action, épique qui va avec. Que bon, ben, une course de voiture, ça reste une course de voiture, tu tournes, voilà, tu fais ton circuit, machin. Mais d'un point de vue contenu pur et dur, Gran Turismo, il est quand même au-dessus de S-Combat 7 pour moi. D'accord. Ouais, mais c'est pas la durée en fait qui compte justement et qui est récompensée là. Je pense que c'est plutôt les sensations que t'as et quelque chose qui est quand même assez inédit que tu obtiens avec S-Combat quand tu as l'occasion de le faire, t'en prends vraiment plein la gueule. Alors que des jeux de bagnole, finalement, t'en as un peu plus. Quoi. T'as Dirt aussi qui est. Ouais, t'as Dirt 1, Drive Club et. Mmh. Oh, t'en as pas des milliers de cents. Hein. Après, t'as Wipeout Omega, si on peut le mettre dans le jeu. Ouais, mais qui n'est pas un jeu de voiture, voilà. Ouais, mais bon. VR Kart. Ouais, c'est pas pareil. Non, mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que ça va surtout motiver Namco de faire un vrai jeu et un vrai S-Combat avec un vrai contenu, voire même tout le jeu. Là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, si on fait le rapport par rapport à l'année dernière, à savoir GT Sport, on connaissait tous les propos du Big Boss du studio, qui était anti-VR, hein, si vous vous souvenez bien, hein, il mettait quand même une sacrée claque à Sony et à la VR. Ouais. Et on se rend compte que depuis qu'il a reçu ce prix, finalement, mais son discours a changé. C'est peut-être pour ça. Donc, pas un appel du pied, justement, pour lui dire « Bon, allez, on t'a filé un petit prix, ton prochain S-Combat, tu nous le fais full VR pour la prochaine génération. » Est-ce que ce serait pas un petit... Ah, on peut le prendre comme un petit début de démarchage, tu vois. Après, moi qui me file 10 missions supplémentaires, déjà, on en a débattu des dizaines de fois, mais c'est tout à fait possible, hein, puisqu'ils ont la matière. Hein, ils ont traité l'océan, l'espace terrien et les montagnes. Donc, tout a été représenté, hormis des combats dans l'espace. Voilà, enfin, le fond est présent. Il y a juste à bien vouloir faire des missions. Voilà. Mmh. On demande même pas un jeu complet. On demande, 5-10 missions de plus. Mmh. Ouais, sur l'original. Ouais. Un add-on, quoi. Tranquille. Ouais, c'est ce qui m'a choqué. Les deux autres jeux, je trouve bien. Beat Saber, c'était mérité. Astro Bot, c'est mérité également. Bien que Astro Bot, est-ce qu'il est compté dans cette année-là? Je trouve qu'il n'est pas plus vieux. Je ne sais pas. Alors, il disait que ça reprenait les jeux, je crois, qui allaient de la fin d'année. De la fin de l'année précédente et l'année en cours. Parce que Beat Saber, c'est sorti fin 2018. C'est sorti à partir de novembre 2018. Astro Bot, je crois qu'on est tous d'accord. Beat Saber, on est tous d'accord aussi. Après, c'est vrai qu'un vrai jeu comme S-Combat 7 qui intègre une expérience VR, finalement, dans la catégorie VR, il prime un jeu, une petite expérience. Dans ce cas-là, Fisherman's Tale en expérience, pour moi, ça vaut plus le coup parce qu'il y a plus de contenu. Ah, c'est différent quand même. C'est complètement différent, mais je veux dire, disons qu'au côté, Ghost Giant, pour moi, était mérité, quoi. Ou No Man's Sky ou Blood and Truth. Mais c'est peut-être aussi en fonction des ventes aussi, hein, je pense. Hein. Aux ventes des jeux, simplement. C'est des jeux qui sont le plus représentés et qui ont plus touché, plus de. Les dés sont pipés à la base. Si un jeu PS4 sera toujours plus vendu qu'un jeu compatible PS4, PSVR sera toujours plus vendu qu'un jeu uniquement PSVR. Si tu veux, ça s'appelle PlayStation Awards. C'est un petit peu comme les 7 d'or, c'est un petit peu comme les Césars. D'où viennent les critères? Est-ce que c'est un choix du cœur? Est-ce que c'est un... Ça m'a choqué. C'est des awards. J'ai vu ça, j'ai fait un bon. Oui, déjà, ouais, les awards en général. Voilà, c'est que de la pub et de la promo en fait. Hein, donc, après, c'était sympa. Vous avez regardé cette vidéo un peu là? Il y avait les musiciens qui jouaient là, des petites notes de musique. De jeux vidéo là, c'était sympa là, tu les voyais avec le batteur en train de faire taper sur les cymbales et tout là, c'était chouette. Je trouvais ça cool. Je sens pas mauvais en mise en scène. Ouais. Je vous coupe les gars, c'est bien ça, c'est les meilleurs succès commerciaux sur l'année en Asie. Donc c'est voilà. Par rapport aux ventes. D'accord. Donc il y a pas à tortiller. OK. C'est ça. On est d'accord. Selon jeuxvideo.com. Si je dis pas de bêtises. D'accord. Valeur sûre. Ok, très bien. Ensuite, on va parler du report de Gorn, ce magnifique jeu plein de poésie Majou. Oui. Ah, c'est Majou. Alors Laurent, vas-y. cette émission est très préparée. J'ai le nez dessus, mais vas-y Majou. Non, bah, c'est juste que j'ai lu la news l'autre jour et c'est un jeu aussi qui se fait un peu attendre. Ça a l'air fun, quoi. Marrant, un bon défouloir. Ça me fait penser un peu à un autre jeu qui était beaucoup moins bien, dont je me rappellerai pas le nom. Où l'accroche c'était quand vous en avez marre de votre journée de travail, vous pouvez vous défouler là-dessus. Où t'avais tout un tas d'ennemis différents avec des armes différentes, t'étais dans une boîte. Ah oui, là, t'avais des crash tests de mise. C'est ça, je me rappelle plus du nom. C'était Spanx qui avait fait le test, il me semble. Il y a Room dedans, non ? Un truc. Un peu dans le même style que Gorn, c'est un espèce de défouloir si tu veux, mais t'avais des armes. Totalement inattendu, si tu veux. Enfin, genre, je sais pas, tu pouvais te battre avec un poisson ou des trucs comme ça. Enfin, mais c'était vraiment un défouloir, le truc. Donc, dans l'esprit, ça me fait penser un peu à ça. Maintenant, j'espère que ça sera un peu mieux, que ça sera scénarisé ou autre. Mais... Parce que, bon, à la longue, tu joues une demi-heure, après, c'est fini. Quoi. Bah, c'est ça. Mais j'ai peur du jeu, en fait, que tu tentes, que tu essayes, tu joues une soirée, tu te défoules, et puis après, t'as pas vraiment envie de revenir dessus. Mais bon, ça, on verra après sur place. Hein. Ouais. Et donc, du coup, il est reporté à quand ? Premier trimestre 2020, je crois. D'accord. Bon, ils font bien de reporter. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils ont carrément sorti une vidéo où tu as carrément le développeur qui explique le pourquoi des choses. Donc, ils se sont rendus compte que le jeu n'était pas aussi bien que ce qu'ils pensaient. Et au final, eh ben, ils l'ont reporté parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient proposer aux joueurs PlayStation VR la meilleure expérience possible et qu'il y avait encore de nettes améliorations. Et ils préféraient être en retard et proposer quelque chose de bien plutôt que de sortir un truc qui serait... Mais je suis tout à fait d'accord. On est d'accord que c'est une adaptation, ouais. C'est pas un jeu exclu PSVR. Non, c'est un jeu qui est déjà sorti, c'est un portage. Donc quand ils te disent qu'il n'est pas quali, c'est juste le portage qui n'est pas quali ou c'est qu'ils ont rajouté des trucs? Non, pour moi c'est le portage qui doit pas être bien. OK. Qui doit pas leur convenir. En tout cas, qu'ils prennent leur temps histoire de peut-être pas rajouter un petit peu de contenu et puis c'est voilà. Ça. Vaut mieux qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous pondent un truc. Ouais, parce qu'on en a marre des jeux pas finis. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup des gros qui devraient en prendre un petit peu de la graine, je pense justement à pas forcément être calé à un calendrier fiscal et puis attendre de proposer des jeux de qualité quoi. Ça pourrait être bien. Pas que. Genre déjà patcher PS4 Pro dès leur sortie, ça pourrait être complètement incroyable, je pense, et très attendu par les joueurs. Ouais. Ce serait bien. Tout simplement. Il y en a un qui l'a fait. Ouais, il y en a, mais pas des masses, quoi, malheureusement. Bah, il y en a un qui l'a fait récemment. Eh oui, on va en parler bientôt. On commence par les tests, aussi, ouais. Si vous le voulez bien, avec un jeu que tu as essayé, toi, Laurent, c'est Stardust Odyssey. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Alors, Stardust Odyssey, c'est un jeu français développé par une petite équipe de 8 personnes sur Lyon. Il avait été... Ah, des Lyonnais, des voisins à moi. Des Lyonnais, oui. Et il avait été présenté au State of Play le 24 septembre dernier. Donc, c'est un jeu qui est très coloré. Aux apparences, ça faisait vraiment penser à About to Blood ou des jeux comme Battle Wake. C'est vraiment de la... On a l'impression que ça va être de la bataille navale, parce que tu diriges un bateau... Et au final, en y jouant, tu t'aperçois un peu plus tard que ça n'a rien à voir en fait. Donc faut faire attention au trailer qui n'est pas forcément très parlant, par représentatif. Rapport, représentatif du jeu. Donc c'est un jeu qu'on a reçu, j'ai décidé de me mettre dessus pour le tester. Et puis au final, première impression, donc c'est un jeu où c'est que tu conduis des bateaux. Tu vas être dans une espèce de caravane inspirée un peu des caravanes orientales sur la route de la soie, des choses comme ça. Et donc tu vas conduire un bateau et ton objectif va être de piller les différents bateaux qui seront dans la caravane pour voler de l'or et des éléments qui vont te permettre d'améliorer ton bateau. Sauf que, enfin, j'appelle ça des bateaux, mais c'est des Evercraft, des bateaux volants. Et donc tu vas... Par contre, ces bateaux sont protégés par des gardiens, donc des espèces de machines qui ont un look un peu de scarabée, un peu insecte mélangé à des robots volants. Et donc il y a tout un jeu, tu vas être dans un grand couloir, un petit peu comme dans Star Wars quand tu es en vitesse lumière. Donc tu vas être dans un couloir. Et tu vas slalomer, te cacher. Donc il y a de l'infiltration dans le sens où il faut... Enfin, c'est pas de l'infiltration, mais il faut pas se faire voir parce qu'il y a certains passages où c'est même pas la peine d'y aller, tu vas te faire massacrer. Donc il faut t'amuser à slalomer entre les bateaux et te cacher pour pas te faire voir quand tu vois qu'ils sont trop nombreux. Lancer les attaques quand tu as pas le choix, ou quand tu te fais attaquer, ou quand tu vois que t'as pas le choix. Et au niveau du look du jeu, il est incroyablement beau. Il est très très très beau. Très peu d'aliasing. Super inspiré aussi, hein. Il est très inspiré au niveau du. Ça part dans tous les sens. Hein. C'est ça. Ouais. Et, très varié au niveau des couleurs, la gamme de couleurs d'un niveau à l'autre, c'est quelque chose de. Même dans un seul niveau, tu vas changer de couleur. Un coup, tu vas te retrouver dans le désert, un coup au milieu des bois, un coup, enfin, dans une forêt gigantesque. Après, il y a des jeux de lumière où il va faire nuit d'un coup, puis après il va refaire jour. Enfin, c'est très très joli. Donc globalement une très bonne surprise le premier soir, et puis après je me suis dit ben mince, ça a l'air sympa, mais bon, il y a 14 niveaux en tout, et la question que je me suis posée, c'est est-ce que ça va pas être répétitif, parce que forcément tu es toujours dans des niveaux comme ça où tu vas enchaîner des couloirs et le même gameplay, c'est à peu près toujours la même chose. Il y a des petites variations, mais c'est pas. Et puis au final, après, j'ai pris un peu de recul, parce que c'est pas un jeu qui se termine en 2 heures. Hein. Là, on parle de 10 heures minimum. Et si tu veux. Alors, 10 heures en un trait, hein, mais si tu veux récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, tu es plus sur des 15-16 heures sans problème. Après, ce qui est rigolo, c'est que le lendemain. Ben, j'avais envie d'y retourner, en fait, parce que je voulais avancer, parce que t'as un boss qui t'a gonflé, que t'as pas réussi à passer, et tu dis, putain, lui, je vais y aller, je vais me le... Donc tu vois que t'y arrives pas, c'est pas totalement linéaire, parce que tu vas pas enchaîner les niveaux les uns à la suite des autres. Par exemple, sur un niveau, tu vas avoir certains trésors que tu ne vas pas pouvoir ouvrir, et pour les ouvrir, il va falloir arriver, par exemple, au niveau 5, pour avoir un sort qui permettra de revenir sur le niveau 1 pour passer. Et tu t'amuses à slalomer d'un niveau à l'autre comme ça tout le long. Du coup, tu améliores ton Aethercraft et tu vas avoir des sorts pour attaquer des boss plus puissants. Donc si tu n'as pas ces sorts, tu n'arriveras jamais à battre ces boss. Et il y a toute une mécanique comme ça qui tient la route, qui est vraiment bien. Et autre chose qui est super bien dans ce jeu, c'est l'utilisation des PS Move. Je crois que c'est la première fois que je ne vais pas cracher sur les PS Move sur un gameplay de jeu. Ah ouais, super adapté. Ah, c'est génial. Je comprends pas qu'ils ont pas fait plein de jeux comme ça, parce que ça paraît tellement, quand tu l'essayes au bout de 2 minutes, tu évident. Dis mais c'est ça qu'il fallait faire. Ah ouais. Ah oui, ça marche super bien. C'est ils ont tu sais, dans Golem, il y a tout le principe où c'est que tu te penches en avant pour, enfin, on pouvait faire avant, tu te penchais en avant pour avancer et tu reculais pour reculer. Et en fait, ils captaient en fait les capteurs du casque, et avec ta tête, ils captaient avancer, reculer. Ben, ils ont fait la même chose un peu sur le PS Move. Du coup, c'est comme si tu avais vraiment un manche de vaisseau spatial. Et quand tu vas légèrement mettre ton PS Move en avant, ben, tu vas avancer. Quand tu mets le PS Move en arrière, tu recules. Pour aller à droite, à gauche, tu vas l'incliner. Comme une manette, en fait, comme si c'était un joystick de... Et ça fonctionne à merveille. Et tu le mets droit comme ça devant toi, en fait, avec, on va dire, la boule. C'est ça, dans le haut. Tu le tiens, voilà. Donc t'en as deux. Donc tu mettons que tu le tiens de la main gauche pour comme si c'était une manette pour piloter, et la deuxième manette ça va gérer toutes tes armes. Donc tu vas récupérer tes sorts avec, tu vas lancer des tirs sur les ennemis, et ça fonctionne super bien, quoi. C'est à préciser que tu peux piloter avec n'importe quelle main, d'ailleurs, que ce soit la droite. Ah oui, tout la à fait, tout à fait, droitier, gaucher, il y a pas de souci. Changer de gouvernail ou pas. Alors ça c'est extrêmement bien foutu. Après tu réfléchis, tu te dis putain, ce studio là ils ont fait qu'un seul jeu avant ça, c'était Epic Dragon VR sur Oculus, et c'était un petit jeu apparemment, et là je m'attendais pas vraiment. Alors c'est sûr, quand ils t'annoncent que c'est une exclusivité PlayStation, tu te dis quand même que PlayStation, s'ils ont mis des billes là-dedans, c'est pas pour rien. Une petite équipe, on n'en avait pas vraiment entendu parler. Globalement le jeu il est vraiment propre, il est vraiment bien. J'ai une petite déception. Ouais, ah oui, franchement, pour 24,90€, il y a du contenu, il y a du challenge, parce que c'est pas facile. D'ailleurs, sur un test, c'est les jeux qui sont. Parce qu'avant, on se dit, on va essayer d'avancer un maximum, et puis les heures passent, et puis on dit, mince, je vais jamais le finir, quoi. Et puis, il est très joli. Alors, graphiquement, les musiques sont très inspirées, c'est un petit peu. C'est très oriental, ça fait penser aux musiques de Sian, de Myst, de Riven, des choses comme ça. Ça va très bien, ça colle très bien au style. Non, globalement, franchement, si je devais donner des défauts, c'est justement l'enchaînement des 14 niveaux qui sont toujours dans ce couloir. Ça aurait été sympa qu'il y ait des mini-niveaux un peu qui n'aient rien à voir avec un gameplay totalement différent pour casser justement cette la monotonie du truc. Mais en même temps, d'accord, ils se ressemblent. Mais en même temps, tu as à chaque fois que tu as des nouveaux sorts, tu as des nouveaux ennemis. Tous les bateaux, toutes les textures sont changées d'un niveau à l'autre. C'est pas les mêmes bateaux, c'est pas les mêmes décors, c'est pas les. C'est ce que j'allais dire. Je pense que le jeu il est aussi fait un peu pour être contemplatif. Il est très très chouette. Hein. Il est très très beau. Parce que la vitesse de déplacement, même si quand t'accélères ça va quand même relativement vite, t'as toujours le temps de regarder un peu ce qui se passe autour. Ouais. Les textures de, enfin, j'ai été sidéré par les textures de près. Enfin, quand t'es dans le cockpit du vaisseau, c'est incroyable. Ouais. C'est très chouette. C'est, t'as l'impression d'avoir de la 4K en face des yeux. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait ça. C'est ce que je disais dans le test. Ils ont plutôt que d'utiliser des textures trop réalistes. C'est un peu le piège avec nos écrans sur le PSVR. Parce que forcément une texture réaliste, ben, y aura tellement de détails que ça va générer plus d'aliasing, plus de problèmes de ah non mais là il n'y en a pas et là, et près, là ils, c'est du cel shading en fait. Du tout, hein. c'est vraiment des aplats de couleurs à la dessin animé et du coup quand c'est vraiment propre, c'est super propre. Ah non mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ouais. Après de loin t'as un petit peu d'aliasing effectivement quand t'es tout au fond de la flotte et tout ça. Mais vraiment de près, c'est d'une immersion redoutable. Quoi. Même les bateaux que tu as à 15-20 mètres de toi, c'est propre. C'est marrant parce que je parlais qu'il y avait un petit peu d'aliasing dans Golem. Alors que Golem est quand même un jeu qui est relativement beau. Mais c'est là où je pense que si Golem était traité en cel shading, comme ça, il n'y aurait pas du tout d'aliasing en fait. Enfin, il n'y en aurait quasiment pas. Le fait de jouer avec les aplats, tu as des couleurs qui te pètent à la figure, qui sont vraiment... Celui qui est complètement comme ça, alors moi je ne l'ai pas essayé, c'est Borderlands 2. Oui. Et il dit quoi, graphiquement, du coup, ce jeu? Il est pas mal. Non, mais graphiquement. Graphiquement. Mais au niveau aliasing, parce que lui, il est full cel shading, donc par rapport à ce que tu disais... Ah, mais il est bien, Borderlands. Enfin, moi, il ne m'avait pas choqué. Moi, perso, ce que je trouve, c'est quand on se rapproche du photoréalisme sur du 1080p avec la puissance... Ça pique. Ça peut piquer. Il peut y avoir des soucis. Après, tu as des jeux qui sont surprenants, comme Déraciné, je pense, qui était très, très beau également, et qui était super poussé graphiquement. Ça c'était son vrai point fort, mais là franchement c'est vrai qu'on enfile, on met le casque déjà au début on se dit ah ouais d'accord, et quand on lance le truc le menu déjà on dit ouais, et puis après quand on lance le truc on dit ah ouais effectivement c'est pas rien quoi. C'est une petite démo technique en même temps, ce jeu, j'ai l'impression. Une grosse démo technique. Qui vient en plus d'un petit studio, donc c'est un très petit studio qui a pas fait beaucoup de jeux. Qui ont quelque chose qui est exemplaire pour un petit studio, et les gros devraient en prendre exemple, c'est que le jour J, ils te lancent une version terminée, il n'y aura pas de mise à jour, il n'y aura rien, il n'y a aucun bug, tu as beau chercher, c'est pas bugué, c'est net, patché PS4 Pro le premier jour, 90 FPS, constant. Donc ça, les autres, ils peuvent en prendre exemple. Au final, quoi, c'est propre. On est content parce qu'on reçoit un jeu, puis on avance, puis on dit, putain, il n'y a même pas besoin de dire quelque chose, il n'y a pas de mise à jour. Et c'est rigolo parce qu'en faisant le test, le premier jour, j'ai fait mes premières notes, j'ai dit, putain, ouais, c'est bien. Puis le deuxième jour, je me suis dit, maintenant, je vais le tailler. Donc je cherchais où le tailler, et il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Petit défaut, c'est peut-être c'est un studio français, il n'y a pas d'audio français, et même là ils ont la réponse tout de suite parce qu'ils disent qu'on leur a dit plusieurs fois et qu'ils allaient voir s'ils n'allaient pas pouvoir l'implémenter plus tard en français. Je parle de la bande son quand même, je parle de la bande son pour pouvoir alors après les sous-titrés, actuellement c'est déjà bien, hein. Mais après, par contre, je suis étonné que ce jeu n'ait, par exemple, sur VR Game Critique, il n'a que 4 notes, je crois. Alors, il y en a peut-être eu plus depuis. Donc, en fait, il n'est pas très, mis en avant, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas mis en avant. C'est comme beaucoup de jeux VR, même de petits studios comme ça indépendants. Et alors, pourquoi il n'est pas mis en avant? Parce que ce n'est pas un FPS? Je ne sais pas. C'est la question. C'est peut-être un nouveau débat à lancer. Parce que, franchement, il mérite. Et Alors, j'ai pas regardé aujourd'hui si sur VR Game Critique où il en était, mais il y a deux jours de ça, il y avait même pas quatre notes sur ce truc. Donc c'est bizarre. Je comprends pas. Puis on en parle. Puis après tu cherches un petit peu sur tous les sites spécialisés, il y en a pas beaucoup qui en parlent. Quoi. Ouais, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage quand même pour ce studio là qui a fait du bon taf. C'est la faute aux étrangers. Ils aiment pas les Français, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, je pense. Hein. C'est une espèce de racisme latent, dégueulasse. Ok, très bien. Donc Stardust Odyssey, c'est un bon jeu. Bon, ben, comme d'habitude, si un jeu on lui a mis 8,5 sur 10, comme d'habitude, si un jeu a 9 sur 10, mais que vous n'aimez pas le style, vous n'aimerez pas. Hein. La note, elle ne veut pas dire grand-chose. Mais Ah bah oui, ça, c'est sûr. Par exemple, un jeu comme Bow to Blood, il avait une bonne 40 ou 50 on va dire il avait au moins 20 ou 25 votes différents, tests dans le monde, dans toutes les langues, en espagnol, en allemand, en polonais, en italien. Là celui-là, Stardust, pour l'instant il a que 4 notes, et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un bon jeu, quoi. Ok, très bien. Donc Stardust Odyssey, vous pouvez retrouver le test sur VR4Player. Moi, je vais vous parler de Dimo Reborn. Ah, Dino. Qui est un jeu. Dino, non, c'est pas avec des dinosaures. Dino. C'est avec des bestioles cheloues et des petites filles. Enfin, tu vois, je vais t'expliquer. Des petites filles, oh là là. C'est quoi ce film, hein? Donc, Dimo Reborn, en fait, des petites filles. C'est un jeu de rythme et d'aventure tout à fait mignon, bande de gros dégueulasses. Et c'est sorti le 21 novembre 2019 sur PS4 et compatible PSVR. Mais attention, c'est pas de la compatibilité à deux balles, c'est une vraie grosse compatibilité qui renforce vraiment l'intérêt du jeu. Ça a été édité et développé par Riot Games et en fait, Dimo, pour ceux qui jouent pas mal sur mobile, ça doit leur dire quelque chose, en fait, parce que c'est un jeu qui est sorti au départ sur mobile, qui a une version Switch, une version Vita avant tout, et ensuite une version Switch bien plus tard. Et c'est un jeu de rythme, en fait, à la Rock Band un petit peu, mais sauf que c'est pas vraiment du rock, hein, c'est plutôt de la J-pop. J-pop plutôt piano, et on va jouer principalement du piano, même que du piano. Et avec l'écran tactile, justement, avec cette ancienne version, et là, en fait... Riot Games, ils ont décidé de faire un remake total. Ils ont repensé en fait le jeu pour le mettre au goût du jour et le sortir donc sur PS4 et sur PSVR surtout. La grosse différence en fait avec l'ancienne version, c'est que là il y a deux parties en fait. Il y a une partie rythmique, il y a toute une partie aventure, exploration dans le jeu. Le scénar, il est très simple, hein. C'est une petite fille qui tombe du ciel dans un château. Elle tombe sur une espèce de créature bizarre. Qui ressemble à Jack Skeleton un petit peu, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, et Slenderman, tu vois, c'est un truc un peu flippant, quoi, de premier abord, mais qui est en fait tout gentil. Et dans cette espèce de château mystérieux où elle sait pas trop vraiment ce qu'elle fait là, et avec son nouvel ami, en fait, ils vont trouver un moyen en fait de faire en sorte que la petite fille rentre chez elle. Derrière le piano, il y a une petite plante qui pousse, et en fait, en jouant du piano et en jouant les morceaux que vous allez trouver des partitions à droite à gauche dans ce château-là, en résolvant des énigmes et en découvrant de plus en plus de salles et en explorant. À fur et à mesure en fait, que vous allez jouer, ben, ça va faire pousser la plante. Et voilà, c'est très simple, le pitch de départ est très simple, mais en fait, il y a un petit peu plus de réflexion derrière dans le scénario au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, et ça c'est intéressant, justement, ce qui permet aux joueurs de ne pas se lasser, de progresser avec plaisir et de vouloir y retourner tout le temps. Donc voilà, je sais pas si ce genre de jeu, justement, ça vous intéresse. Vous avez regardé un petit peu les images de ce truc-là. Ce qui est intéressant par rapport à ce jeu, c'est que déjà la compatibilité PSVR, mais dans l'intégralité du jeu, hein, d'après ce que j'ai vu ton test, il n'y a pas de distinction entre la version plate et la version VR, ça c'est bienvenu. On l'a déjà dit, c'est un bon moyen de vendre du jeu, tout simplement, en s'offrant deux portes différentes, chacun prend la sienne. Mais surtout, on se concentre sur la partie VR, c'est un jeu de rythme, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se fait actuellement, et dont le nominé encore, le lauréat des PlayStation Awards, Beat Saber, qui est la référence, où on est vraiment dans du pur rythme. Là j'ai l'impression qu'on est dans une autre dimension avec la partie aventure-expédition, Mais il y a vraiment une histoire, quoi. C'est, pour moi, il y a vraiment la touche asiatique, pour ne pas dire nippone, qui est présente. Ils savent faire là, ces poésies mélodieuses. Là, il y a toujours du liant. Ah, c'est mignon, quelque chose, c'est super mignon. Ouais. C'est super mignon, c'est super mystérieux. Et c'est vrai que ce qui est intéressant en plus, c'est que quand tu joues avec la version plate, en fait, pour la partie aventure, c'est comme un TPS standard. Tu vas utiliser ta manette et puis voilà, tu vas résoudre des énigmes en explorant, en utilisant ta manette tout bêtement. Au niveau du piano, en fait, t'as une espèce de clavier virtuel qui se met devant toi et tu dois appuyer sur les touches en fonction du rythme et puis de l'arrivée des notes au fur et à mesure du morceau. Ouais. Et par contre, en VR, mais ça, enfin, déjà moi avec ce gameplay-là, j'ai un petit peu de mal perso. Ouais. J'ai essayé. C'est ce que je voulais dire aussi. Du coup, je suis assez d'accord avec toi sur la partie plate. Je trouve pas d'intérêt en fait au jeu au piano. Tous les jeux à l'époque de la grosse éclate des jeux musicaux, tous les jeux qui sont sortis, il y avait un accessoire. Il y avait une guitare, la batterie, il y avait tout ce qui va avec. Et aucun, tu pouvais jouer à la manette, mais personne ne le faisait jamais parce que c'est naze. Bah oui, c'est ça. Et je trouve bizarre qu'ils soient repassés, qu'ils aient fait un truc comme ça. Tout le monde n'avait pas une guitare quand même, hein, si tu fais référence à Guitar Hero. Moi j'ai pas joué souvent, mais à chaque fois que j'ai joué, c'était avec ma manette, hein, c'était pas avec une guitare. Moi je trouve que ça perd toute sa saveur. Enfin, ça n'a aucun intérêt carrément. De jouer un jeu de rythme. Sans l'accessoire qui va avec. Hein. Mais je trouve ce parti pris un peu bizarre, surtout aujourd'hui où t'as pas de jeu de rythme qui sortent en flat. Enfin, ça fait des années que c'est pas arrivé. Bah, c'est peut-être parce qu'ils ont. En fait, j'aime bien dire en fait. Là, c'est un petit clin d'œil à Sei. En fait, il faut pas se voiler la face. Le jeu, il est fait pour le PlayStation VR et pas pour un écran plat, quoi. C'est un plus, l'écran plat, quoi. Faut pas oublier qu'il a été développé. Ouais, mais attends, il a été développé initialement sur PS Vita avec un gameplay spécifique où tu tapais sur l'écran tactile. Idem pour le smartphone, idem pour la Switch. Tu peux pas le reproduire avec la PS4, donc c'est vraiment une version faite pour la VR, mais avec une intelligence d'esprit, à savoir réunir les deux mondes, réunifier les deux mondes et se dire ça fonctionne aussi bien d'un côté que de l'autre, quoi. Mais de ce qu'on voit du test de Sei, c'est sûr qu'au niveau immersion et jouabilité, y a un plus pour la VR, quoi. Ça a rien à voir, mais en tout cas c'est bien qu'il l'ait proposé justement, mais c'est vrai que moi j'ai déjà vu en fait des gens jouer à des jeux de rythme sur PC uniquement avec leur clavier avec 6 touches et prendre leur marque en fait, et ils s'en foutent complètement en fait d'avoir assimilé instrument. Je le dis beaucoup, c'est vrai. ils s'en fichaient d'avoir un instrument en fait. C'était juste pour le score en fait, donc je pense que ça va quand même plaire à une certaine partie de joueurs plats aussi de prendre leur marque sur la manette. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand tu tiens tes moves, quand tu mets le casque, que tu tiens tes moves, en fait t'as le clavier devant toi, et là tu dois... Dans le test, je dis que c'est une simulation de xylophone plus que de piano en fait, parce que du coup t'as 6 positions sur ton clavier, tu dois taper les touches au fur et à mesure que ça arrive, en rythme évidemment, avec des slides, avec des trucs que tu dois taper, avec des trucs où tu dois maintenir ta main sur le clavier, et t'es complètement dedans en fait, et tu bouges, et c'est comme si en fait tu jouais du piano avec des baguettes de batterie en fait, tu vois. Ouais. Et ça, au niveau de l'immersion, au niveau surtout de la précision, il n'y a rien de mieux. Mais le gameplay sur le tactile, c'était pareil aussi, avec le maintien, le slide et tout ça, c'était la même chose ? Ouais, c'était exactement la même chose, en fait. J'arrête avec en fait. Hein. maintenant je l'entends, merci. Hein. Ah ouais, mais en fait, c'est génial. Je m'éclate. Alors, tu avais sur le tactile, en fait... Oh putain. T'as ta grille en fait. Faut qu'on arrête. Non, mais ça, tu le laisses. Tu as ta grille. J'assume. En fait, t'as ta grille qui descend, et après, tu dois appuyer selon les notes qui arrivent. Et je fais super gaffe maintenant, je parle bizarre. Et ça reste un jeu de rythme, mais qui était vraiment adapté, au tactile. Ils l'ont adapté justement. Je l'ai redit. Pardon. Non. On sent que t'es concentré. T'as failli. Je suis ultra concentré. Et ils ont complètement adapté ça avec les moves et c'est, ils l'ont vraiment super bien fait. Le seul point qui est un petit peu embêtant, c'est quand tu commences à jouer en mode de difficulté difficile. Quand c'est un petit peu trop rapide, tu as tendance à avoir des décrochages au niveau de tes moves. Il y a un petit problème de reconnaissance, mais ça, après, c'est bon, c'est technique. C'est inhérent au PlayStation. C'est inhérent au matériel. Et la durée de vie, elle est conséquente. Hein. La durée de vie, d'après les développeurs, je ne l'ai pas encore terminé malheureusement, elle est d'une vingtaine d'heures apparemment. Il est à 39,99€, je crois que je ne l'ai pas dit. Mais si tu veux scorer sur. Mais si tu veux scorer en fait sur tous les morceaux, la durée de vie va être bien longue, hein, je pense. Et les énigmes, elles sont bien quand même Très très bien pensé. Très très bien pensé, ça te fait vraiment cogiter et ça te permet d'avoir une. De jamais être lassé par le gameplay unique du jeu de rythmique en fait. Je vais jamais y arriver. Et tu dois et ça te permet d'avoir un jeu d'aventure qui est bien pensé, des énigmes qui sont bien pensées, qui sont faites justement pour que ça va beaucoup travailler sur ton sens de l'observation et ta réflexion par rapport au décor que tu as autour de toi. Donc faut être très observateur, faut aimer rechercher, faut aimer explorer. Malheureusement, s'il y a un gros problème avec ce jeu-là, c'est qu'il est entièrement en japonais au niveau de la bande son et en anglais dans les sous-titres. Dans les sous-titres, il n'y a pas de français du tout. Ouais, c'est surprenant parce qu'il y a pas mal de langues qui sont présentes dans ce jeu, mais pas le français. Ça veut dire la place qu'on représente dans le monde. Et c'est assez développé par le studio indépendant Rayark, c'est ça. Hein. C'est Rayark Games. Ouais, ouais. Avec Alors, c'est une entente avec le label de Sony Music Entertainment. Et ce label, c'est Untease. Donc, ça fait depuis 2017 qu'on en parle quand même sur le site. On est content qu'au bout de deux ans, ça soit sorti. Et que ça soit une réussite, en tous les cas. Mais en tout cas, c'est clairement une réussite. Et puis, si tu veux prolonger un petit peu l'expérience, tu as aussi des DLC qui sont proposés dès la sortie du jeu. Ouais, à vous de voir si vous avez envie de prolonger le ça, truc. Ça daille, franchement. On peut préciser deux petits trucs sur Limo Reborn, c'est qu'il a été super bien accueilli. Raison. Il a une moyenne de 8,1 sur 10 sur l'ensemble des tests qui ont déjà été publiés. Et par contre, au niveau du store, il n'est pas catalogué comme un jeu VR et il n'est pas mentionné non plus sur la fiche qu'il est compatible PSVR. Sur le PS Store. C'est bien dommage. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc, Limo Reborn sur le PS Store, mais vous allez voir, il n'est marqué à aucun endroit qu'il est compatible PSVR. Le stagiaire encore qui a fait des siennes. C'est ça. Il en fait beaucoup des siennes. Hein. Parce que c'est le même stagiaire à chaque fois aussi. Ça se trouve, il le change, il repart de zéro, il oublie tout. Il faudrait qu'on lui donne un nom d'ailleurs, il faudrait qu'on le baptise celui-là. Je pense. Donc voilà, Limo Reborn, très très bon, le test est sur le site aussi, je lui ai mis 8 du coup, 8 sur 10, amplement mérité, et très très bonne pioche. Incontournable ou pas incontournable ? Incontournable, dans le style, de toute façon, il n'y en a pas d'autre en fait, style rythmique, musical, avec un simili vrai instrument devant toi, il n'y en a pas d'autre. C'est toujours comme disait Siri tout à l'heure, en fait, à du Beat Saber, c'est un jeu de rythmique aussi, mais c'est pas un jeu d'instrument de musique. D'accord. En plus, ça couple avec le côté aventure. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Mais par contre, faut aimer le genre japonais, un peu mignonne avec de la musique très très kawaii. Faut aimer. C'est bien parce que t'as de plus en plus de jeux qui prennent ce parti pris là d'avoir plusieurs types de gameplay dans le même. Enfin, je me rappelle du coup Doctor Who aussi où c'était un peu la même chose. Et c'est bien parce que ça varie la répétitivité de ce type, enfin des jeux de rythmique quoi. C'est ça. Parce que tu peux passer vraiment trois quarts d'heure à faire que des énigmes et puis à récupérer donc du coup tes partitions. Et après tu peux passer. Une ou deux heures uniquement à jouer au piano. Et tiens, en parlant de passer, tu peux passer de la version VR à la version plate aisément. Oui, en fait, ça utilise la même sauvegarde. Donc du coup, un soir tu joues en VR, t'en as marre, tu poses ton casque. Faut redémarrer le jeu. Ça te propose au début du jeu soit en VR, soit en plat. tu switches et tu joues avec ta même sauvegarde au même endroit où tu étais avec la version plate. Oui, et après, tu peux jouer à la version nulle à la manette. Parfait. Si tu veux. Parfait. Cool. Donc voilà, très très bien. Ensuite, on va passer à Shuttle Commander avec Laurent. Captain, en fait. Captain Commander Laurent. Shuttle Commander. Alors en fait, c'est bien en fait. Non. Ah, le mec lâche tout. Ouais, parce que... ouais, j'ai tout lâché. Ouais, parce qu'en fait, ça fait une demi-heure qu'il se retire, il en peut plus. En fait, on veut savoir quoi. Non, non, c'est pas bien. C'est pas bien. VR Immersive Education, donc c'est les développeurs qui nous avaient surpris et fait rêver dans Apollo 11. Bon, après, on remet en place. Apollo 11 est sorti en tout début du PlayStation VR. Donc on a été à l'époque peut-être plus indulgent. En version PC, hein. D'abord, même en... avant. Oui, oui, oui, oui, oui, en version. Non, mais je parle sur, VR, sur PSVR. PSVR, il est sorti quand là, ce jeu? Je sais pas, mais il est vieux celui-là. Ouais. Apollo 11. Ouais, il y a 2 ans, hein. Mm. En plus. Oui. Non. Ah, il est, moi, je dirais, il est arrivé. Il est arrivé courant 2017, celui-là. Ouais. Donc, déjà, sur Apollo 11, on avait encore peut-être l'effet waouh de la VR qui nous avait, on avait dit c'est trop bien, je suis allé sur la Lune, c'était génial. Avec le recul, c'est vrai que finalement, on se rappelle aussi qu'il y avait des petits défauts de modélisation, que graphiquement, 1er mars 2017. C'était pas... 1er mars, voilà, 2017. La vérité est rétablie. Ensuite, on avait eu Titanic. Du même développeur, on l'avait testé avec Sei d'ailleurs, qui n'était pas une mauvaise expérience parce que toute la partie sous-marine rendait plutôt bien. Donc mais il y avait des soucis d'aliasing, encore des petits. On sentait que sur les personnages, des soucis d'échelle, des soucis de modélisation, des choses qui étaient un peu. Là, par contre, Shuttle Commander, je crois que j'ai jamais vu un jeu aussi aliasé que ça. C'est le champion du monde du catalogue PSVR. Mais quand je dis champion du monde, c'est champion du monde. Je veux dire. Je le sors à chaque fois, mais pire que No Man's Sky. Oh, mais No Man's Sky à côté, c'est de la 4K, c'est de la 8K. Ah ouais. Ça doit être sacrément violent quand même. Non, mais là je parle l'aliasing pur. Il n'y a pas d'anti-aliasing sur ce jeu, ce n'est pas possible. Quand je dis ça, c'est que ça aliase de partout. Y compris si vous mettez le nez sur un bouton de la navette spatiale, vous vous approchez, même le bouton qui sera à 1 cm de votre nez sera aliasé. Ouais, mais Laurent, dans la cabine de pilotage, il n'y a pas de stabilisateur. Hein. Quand tu fais la rentrée dans l'atmosphère, il y a tout qui vibre. Hein, donc, c'est vraiment l'immersion, c'est vraiment la simulation. Ça pique les yeux de partout. C'est une catastrophe. Alors après, on se dit... Bon, ça aliase, il va peut-être y avoir un patch, ils vont nous le désaliaser dans pas longtemps, mais bon, ça c'est le genre de truc qu'il faut lancer dès le premier jour. Ensuite, tu démarres. Alors, l'expérience finalement, c'est le but de l'expérience, c'est de partir avec la navette spatiale, d'aller jusqu'à Hubble, de changer les panneaux solaires et d'effectuer quelques réparations sur Hubble et de redescendre sur Terre, en sachant que vous allez déjà démarrer avec une intro. Donc vous êtes planté dans la navette spatiale prête à décoller, donc vous êtes complètement à la verticale. Donc l'horizon est au sol, mais elle n'est pas au niveau de vos yeux, elle est sous votre dos. Et donc là, vous allez entendre, vous êtes planté dans cette navette spatiale, vous n'avez aucune interaction sur les commandes, pas de PS Move. Donc c'est tout à la DualShock. Et donc il n'y a rien à faire. En fait, vous écoutez des bandes-son réelles quand ils ont fait la mission. Donc c'est des bandes-son de la NASA. Donc vous voyez tout ce qui se passe dans le cockpit et tout ça pendant ce temps-là. Et en fait, vous allez rester planté à peu près 9 à 10 minutes avant que cette fichue navette ne veuille daigner décoller. Et alors pendant 9 minutes, vous regardez, il ne se passe rien. Même vos équipiers qui sont à côté de vous, ils ont des tronches. Oui, ça j'ai vu, ils font peur. Voilà, faut pas juger les gens pour que ça. Ils ont leurs yeux qui tournent dans tous les sens. C'est tout sauf naturel. On se dit, lui, c'est un psychopathe qui est derrière moi. Il va me sortir un couteau, il va me planter. Et vous faites. Ouais, mais on parlait des jeux au multiple gameplay. C'est un jeu d'horreur aussi, en fait. Ah, mais c'est ça. Pendant les 9 premières minutes. Faut pas oublier que les navettes, il y en a 2 qui ont pété quand même. Donc, les mecs qui flippent, c'est un peu normal. Alors tu te dis, bon, on va attendre de décoller, ça va être sympa, on ne sait pas. Et puis alors, pendant les 9 minutes, bah, tu as bien le temps de mater tout l'aliasing qu'il y a de partout. Parce que quand tu regardes au loin, mais c'est même plus de l'aliasing, c'est des escaliers de partout, c'est une catastrophe, c'est minable. Et puis au bout d'un moment, tu entends, ah, le moteur démarre. Donc là, en interaction, tu vas avoir juste à appuyer sur le bouton X de ta DualShock pour faire un truc, et puis c'est fini. C'est fini, fin du jeu. Bah, disons qu'après, bah, tu te retrouves dans l'espace. Alors là encore, pour arriver jusqu'à Hubble, il faut être patient, hein, parce que tu glandes en fait. Donc tu es assis dans ton fauteuil, tu n'as rien à faire. C'est combien de jours déjà ? C'est les... Pour y arriver ? Non, là c'est rapide. Parce que Hubble, tu dois avoir quelques heures, parce qu'il faut 2 jours pour aller jusqu'à la Lune. Ah, mais même pas. Non. Hubble, il est pas haut, Hubble. Hein. Je ne sais pas combien il tourne. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut quelques heures. Quoi. Il doit falloir 4-5 heures, hein. Je ne pense pas plus. Une bonne durée de vie alors. Non, je sais pas. Ah, mais en fait, il n'y a rien. Oui, parce qu'il faut faire le retour après. C'est vrai. Ouais, c'est ça. T'es enfermé dans une navette spatiale avec plein de boutons, hein, et puis de partout. Mais c'est tellement laid que. Et puis, t'as rien à faire. T'as vraiment. Tu sais, c'est là où tu te dis, les mecs de Pixel Rift, ils auraient pu insérer un jeu dans le jeu, en fait, où tu puisses sortir ta console en glandant, là, en attendant d'arriver là-haut. Ça pourrait être pas mal, ça. Parce que t'en peux plus. Et arriver là-haut, alors, ce qui est fou, c'est. En fait, on ne te dit rien. On te dit, alors, déjà, le jeu est tout en anglais, pas de sous-titrage, rien du tout. Et puis, en plus, on ne te dit rien. Et donc, on va te donner une mission, par exemple, changer le panneau solaire de Hubble. Ouais, d'accord. Donc, t'as une espèce de pince, mais avant de savoir la faire fonctionner, tu sors un nouveau panneau, tu dois changer le truc. Mais il n'y a rien qui est expliqué, tu sais pas comment l'enclencher dedans. Donc, là, la durée de vie, elle va être longue parce que le temps de trouver comment ça fonctionne, tu vas perdre ton temps. Il n'y a pas d'amusement. Au niveau éducatif, y a toujours ce côté je suis dans l'espace qui peut être sympa, mais c'est tellement moche. Que t'as pas envie, quoi. Et puis au final, ça, tu, au bout d'un moment, tu dis c'est pas possible. Moi, j'ai abandonné, j'ai dit c'est trop laid, je peux plus. Et en fait, dans le jeu, t'as une deuxième partie où c'est que tu as, pour moi, c'est la partie la plus intéressante, où tu vas pouvoir voir un petit peu tout. Avoir une vue de la Voie lactée et puis de pouvoir zoomer dans la Voie lactée jusqu'au système solaire, de voir toutes les planètes de notre système solaire, de voir les différentes tailles de soleil en VR, c'est intéressant de voir que le soleil c'est même pas une tête d'épingle par rapport à d'autres étoiles. Donc ça c'est intéressant d'avoir mais encore même là c'est pas beau, quoi. C'est pas net, c'est dégueulasse, les textures sont moches. Ce qui est bizarre, Laurent, c'est justement, on avait testé Titanic tous les deux. Ouais. C'est que dans Titanic, justement, tu avais des interactions dans le petit Batiscaf. Justement, Titanic avait énormément d'interactions. Et c'était même limite un jeu. Justement, ouais. Tu pouvais toucher tous les boutons, toutes les petites manettes et tout. C'est là où je me demande s'il n'y a pas différents studios qui travaillent pour VR immersive, en fait. Et parce que après Titanic, je pensais qu'il y allait avoir un minimum d'évolution. Là, c'est zéro gameplay. C'est une régression. Là. C'est une régression. Ouais, ouais. Ouais, parce que même dans Apollo 11, ça peut être lié au. Ça peut pas être lié au budget aussi. Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais. Tu crois qu'il y a des droits d'auteur à racheter pour ça, parce que s'ils ont les enregistrements originaux. Non, parce que c'est quand même une expérience qui est développée en partenariat avec la NASA. Donc en fait, elle va s'adresser à qui, cette expérience ? Ça va s'adresser à ceux qui sont passionnés, qui rêvent d'être ingénieurs à la NASA, qui sont passionnés de réparation de télescopes dans l'espace, parce que il y en a beaucoup. Parce que disons que le premier Apollo 11, il y avait à la fois ce côté aller visiter la Lune et à la fois ce côté historique qui a marqué plusieurs générations et qui peut plaire à beaucoup de monde. Mmh. Titanic aussi, c'est une histoire qui est impactante, au niveau de notre histoire, c'est touchant même en VR de se retrouver sur un bateau en sachant tout ce qui s'est passé. C'est impressionnant. Ouais. Là, on va réparer un télescope. Ouais, mais ça avait été une belle histoire à l'époque. On avait redonné la vue à un satellite. Oui, pilote, oui, oui. Ouais. Bah, disons, il y aurait de l'interaction et il serait propre et beau. Rien que le fait de se retrouver dans l'espace, ça serait bien, quoi. Mais là ça, c'est pas possible. Là, t'es pas dans l'espace, t'es dans un gros tas de d'escaliers de partout, de pixels. T'es le premier astronaute myope. Oui, mais c'est ça. C'est la première sortie dans l'espace de Minecraft. L'astronaute Hubble. Je vais revenir sur ta remarque, Sei. Du coup, on peut même pas dire qu'il a une grosse durée de vie parce que j'ai regardé Hubble, c'est 570 km de la Terre, donc il faut 12 minutes pour y aller. C'est ça. Oh bah d'accord. Sauf que les 12 minutes, tu te les tapes en temps réel. Et ben, au moins c'est réaliste. Tu te fais chier. Ouais, c'est une simulation. Ah oui, voilà. C'est une simulation. Après, moi, ce qui me. Apollo 11, on s'est pas fait deux jours. ce qui me surprend, c'est que ça soit sorti d'abord sur PlayStation VR. Alors que les autres jeux sont sortis, notamment Apollo 11, d'abord sur les casques PC. Et là, c'est bizarre de prendre le problème à l'envers. Enfin, c'est même pas un problème de prendre la direction inverse par rapport à toujours ce qui s'est fait précédemment. Ça rejoint peut-être ce que tu as dit tout à l'heure, question. Pas le même studio qui fait. Enfin, il y a différents studios qui travaillent pour VR Immersive Education. Ou peut-être que leurs précédents jeux, ils les ont plus vendus sur PS4, tout simplement. Et donc, du coup, histoire de pouvoir financer peut-être la suite du jeu. C'est là où tu vends le plus. Hein. Même si on te l'offre, là, franchement, non, tu le désinstalles. Combien il coûte au fait? 12 euros 11 euros 20 euros Ouais, je sais plus, j'ai pas vu le prix. Il est sorti ou pas? Ouais, il est sorti hier, hein, normalement. Enfin, le 3, il devait sortir. Ouais. Non, franchement, alors moi qui suis quand même un gros passionné de tout ce qui est aventure spatiale. Il est sorti 24,99€. 25 balles. Ouais. Oh là là là là là. C'est là qu'on voit que Stardust Odyssey, et c'est vraiment un bon truc, quoi. Ouais. Surtout si tu passes de l'un à l'autre, ça doit faire mal. Un très bon truc. Ouais, alors, S'ils arrivent à nous faire une belle image, je pense que ça peut faire rêver beaucoup de monde. Parce que, comme je disais, tu vas quand même dans l'espace. Le gameplay, c'est une catastrophe, mais t'es quand même. Mais là, il n'y a rien, Est-ce que c'est dans leur intérêt? Alors, après, celui-là, c'est un jeu, donc effectivement développé en partenariat avec la NASA, mais ça reste un jeu. Parce qu'il y a aussi une expérience faite par Dassault. Oui. Une expérience VR donc d'aviation, et apparemment c'était une catastrophe aussi. Enfin, il y a des habitués VR qui l'ont essayé et qui ont dit que c'était un peu un scandale, quoi. Est-ce 25 balles, c'est du vol, carrément, littéralement du vol. L'expérience, il n'y a rien, elle n'est pas longue. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, une limite ou une méconnaissance ou de ce genre d'entreprise, tu veux, qui sont spécialisées là-dedans, mais qui ne s'appuient pas sur les bonnes personnes pour faire des jeux grand public, je dirais. C'est ça. Sur Apollo 11, on avait de l'aliasing, c'était pas jojo, le niveau de texture, c'était même plutôt moche. Même sur Titanic, c'était pas top sur certains endroits. Ça passait. Là, ça passe pas. Faut arrêter, quoi. Là, c'est une catastrophe. Là, les mecs, ils se disent, ils vont être contents. On va leur pondre ça. On les envoie dans l'espace. Ils seront contents, quoi. À 25 balles, c'est du vol. Ouais, tu payes la NASA. Ah, mais c'est inadmissible. Pourtant, il y a des bonnes idées. Hein. C'est comme je disais, le jour, il y a pas besoin d'un jeu. Même, ils nous sortent une encyclopédie stellaire où c'est que tu puisses te balader un petit peu comme tu peux le faire dans No Man's Sky où tu vas visiter tout le système solaire et tu te rapproches de près. Tu peux même aller sur Mars sans gameplay. Hein, juste ça peut être intéressant pour des gens qui aiment beaucoup tous ces trucs-là. Apparemment, Megaton Rainfall. Voilà aussi, oui. qui était sauf que bon, c'était complètement c'était pas du tout. Réaliste, hein, mais il y avait une sensation quand même d'exploration que j'avais bien aimé. En fait, je faisais pas l'émission sur Terre, j'arrêtais pas de me balader. J'avais bien aimé. Je me baladais. Il était simple, en fait, c'était assez répétitif, mais j'avais bien aimé ce... Le gameplay était à chier. Ouais. Franchement, ça peut être un énorme truc éducatif aussi, parce que. Ah ouais, mais bon. C'est un des gros avantages de la VR, c'est la facilité que tu as de voyager, en fait, en restant chez toi. Mais dans réalité virtuelle, il y a aussi immersion qui va avec. Et réalité. Et réalité, il n'y a pas. Et virtuel. Là, c'est. Ça pique les yeux. J'ai compris que c'était de la merde. Ça peut pas. Ce que je voulais dire, c'est que. Comme tu disais, il y a vraiment un filon, je pense. À faire carrément. Une véritable expérience géographique entre guillemets, je vais pas y arriver. Enfin bref, cool, à recréer, cool, comme tu dis, le système solaire pour se, ah, mais pour ce serait se top, pouvoir se balader et faire quelque chose d'éducatif. Ah oui, bah, ah oui, complètement. C'est la bonne idée de Shuttle Commander, par contre, parce que l'expérience Hubble, franchement, elle est passable. Vous faites que poireauter, il y a rien à faire, et puis ça fonctionne pas en plus. Par contre, ce côté encyclopédique qui est dans la deuxième partie du jeu, qui est un bonus en fait, hein, elle est pleine de bonnes idées parce que c'est expliqué. Donc, il te montre la Voie lactée, il t'explique sa dimension, il t'explique. Tu peux petit à petit, tu zoomes sur la Voie lactée pour arriver dans le système solaire. Donc, tu t'aperçois de la taille du système solaire en vert. Ouais. Ah ouais, ça c'est plutôt pas mal, mais c'est flou et c'est pixelisé, mais l'idée est bonne, l'idée est très bonne. Et puis après, derrière, quand tu arrives sur le système solaire, bah, tu vois toutes les planètes, tu vas voir le soleil. Il y a trois en fait petites interactions, trois petits mini encyclopédies dans l'encyclopédie où tu vas pouvoir visionner les principaux soleils connus. Donc c'est surtout là c'est la taille. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu passer, c'est des vidéos où tu démarres de petites naines, où c'est que tu vois la taille d'un soleil, oui, des soleils qui sont bien plus petits que la Terre en fait. Et puis petit à petit tu grossis, tu vois un autre soleil, tu te dis putain, il y a déjà une belle bête. Et puis derrière tu vois les étoiles, ouais, qu'il y a derrière. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, tu t'aperçois que finalement on est très petit. Et ce côté-là est sympa. C'est vraiment sympa. Sauf que les soleils, c'est des boules oranges. Tu vois pas, tu vois même pas les éruptions solaires. Tu vois pas le halo au niveau de. On va pas parler d'atmosphère, mais ça fait trop. C'est mal fichu, c'est mal texturé, c'est mal. Voilà, c'est pas beau. Si on veut une bonne expérience spatiale, vaut mieux celle de Summerfunland, quoi. Ouais. Waouh. Ouais, bien rebondi. C'est dire. Touché coulé. Voilà. Après, tu peux aussi afficher toutes les constellations. Tu peux. C'est pas. Non, mais c'est pas de nous le vendre. Encyclopédique. C'est bon. Mais on sait que c'est de la merde. C'est bon. Non. Mais cette idée-là est bonne. Mais par contre, il faut qu'il se fasse aider par des développeurs, par contre. Allez, Shuttle Island, Shuttle Commander, Shuttle Commander. La première simulation d'astronaute myope, si ça vous dit, nous vous le conseille pas en tout cas. Ensuite, on va passer sur un jeu qu'on conseille, celui-là, je sais même pas, Aspire One. Et c'est Majo et Cyril qui vont s'y coller. Ouais. Tu veux commencer, Cyril? T'as fait le début. Non, vas-y, t'as bien poursuivi dans le jeu. Bon, alors Aspire One, ça part de loin quand même. Ça part de loin. Sortie simultanée PC, PSVR, deux studios de développement différents. Un bon jeu vraisemblablement sur PC, une grosse bouse à sa sortie sur PSVR. Non. Quand tu vois en fait que les mecs ils ont carrément pas implanté le menu dans la version PSVR, que tu ne pouvais gérer que l'audio. Tout ce qui était commande, tout ce qui était ça marchait quand même, titre, etc. Non, mais tu ne pouvais pas le gérer, tu n'avais que la version audio. Alors qu'en parallèle, sur la version PC, c'est le même menu, mais avec beaucoup plus de choses. Donc déjà, rien que ça en dit long sur le studio qui a développé la version PSVR. Bref, le jeu, donc je l'ai essayé dans cette version-là. Ça piquait les yeux, on avait une espèce de hier quadrillé façon un peu robotique, tu sais, ouais, une vue d'aigle, quoi. Qui était là en permanence quand tu avançais, donc injouable avec ça, injouable. Du coup, j'ai arrêté, j'ai joué quoi, 20 minutes, j'ai dit j'ai arrêté, je savais qu'il allait être patché, donc j'ai dit je reprendrai quand le patch sera arrivé. Et effectivement, je m'y suis remis je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé le patch, début de semaine dernière, milieu de semaine dernière, je crois. Il y en a eu deux, le patch 1.02 et 1.03. Et là, ça va quand même beaucoup mieux. On a un menu, donc du coup, avec la gestion des commandes, on peut désactiver les filtres, les aides anti-motion sickness et tout ça, le choix des sous-titres, des langues, il y a un maximum de langues d'ailleurs. C'est l'été déjà. Et le jeu en lui-même, franchement, au début, j'étais très réceptif. J'ai dit, en fait, il n'y avait que le problème de quadrillage, de fauve. Alors, graphiquement, c'est assez pauvre. Les textures, c'est pas beau, quoi. C'est quand tu te rapproches, tu as des endroits, c'est dans des cavernes. Quand tu te rapproches, la pierre, enfin, je sais pas, c'est un vieux camouflage, comment on dit, de l'armée, tu sais, tu vois, enfin, c'est très très mal fait, ouais, voilà, c'est ça. Il y a énormément d'aliasing, C'est moins flou que ce que c'était au départ, donc je pense qu'ils l'ont patché graphiquement. Il faudrait que je regarde le listing, le détail exact des correctifs du patch. Des patchs, pardon. Mais du coup, ouais, je me suis dit, bon, bah, franchement, ça a l'air d'aller bien. T'as la possibilité de régler ta ceinture, tu peux choisir où est-ce que tu veux mettre tes armes au niveau de ton torse. Ils ont trouvé un système que je trouve vachement bien pour la vie, c'est-à-dire que t'as pas d'item à récupérer ou t'as pas à te cacher dans un coin à attendre que ta vie remonte, si tu veux. Il faut que tu te répares, si tu veux. Donc en fait tu incarnes du coup un avatar, si tu veux, donc un espèce de robot, et t'es envoyé en mission à l'intérieur de ta propre entreprise, et en fait t'as des pirates qui sont rentrés et qui essayent de voler des données, enfin de trafiquer tout un tas de trucs. Et en fait, du coup, bah, ce robot, si tu veux, bah, quand il se fait toucher, il perd de la vie. Et pour te régénérer, t'as un petit outil, je me rappelle plus comment ça s'appelle, sur le torse à gauche, en fait, et tu dois réparer des espèces de sphères qui sont cassées, qui s'affichent à l'écran. Et c'est comme ça que tu te remets de la vie. Donc j'ai trouvé ça bien parce que tu peux te soigner tout en continuant à tirer ou à avancer. Bon, ils te disent de te mettre à couvert quand même, mais vu l'IA, tu peux rester debout. Et j'ai trouvé ça super ingénieux, et ça fait une phase de gameplay en plus, donc j'ai trouvé ça bien. Au niveau de la physique et des armes, c'est pareil, franchement c'est pas mal. Le petit pistolet là, avec les seringues hypodermiques, que tu dois recharger à chaque fois, franchement ça fonctionne plutôt bien. Tu le dégaines, tu l'armes, tu tires, bon, il faut le réarmer à chaque fois. T'as la possibilité de recharger soit de manière réelle, soit de manière rapide. Donc c'est-à-dire que de manière réelle, bah, t'attrapes ton chargeur, tu l'enclenches dans ton arme. Ou de manière rapide, t'as juste à amener ton arme au niveau de ta ceinture, si tu veux, en direction de ton chargeur, et ça se recharge tout seul. Donc ça va plus vite. T'as un effet bullet time qui se génère soit de manière automatique, soit de manière manuelle. De manière automatique, j'ai toujours pas compris comment ils faisaient pour se générer, parce que je pense que c'est quand les ennemis te captent, sauf que des fois tu sais pas quel ennemi t'a capté, des fois t'en as carrément pas en face de toi, mais t'as le mode bullet time qui s'enclenche. Bah, c'est eux qui t'ont vu, fait, mais tu les as pas vus, quoi. Ouais, à travers les murs. Et en fait, plus t'avances et plus le jeu il est buggé, quoi. Honnêtement, vraiment, au début je me suis dit, putain, franchement elle a l'air bien, l'ambiance. Alors là t'as une petite musique de fond qui fait un peu film d'espionnage, sauf que c'est assez redondant pour les 2-3 premiers niveaux parce que c'est toujours la même. Ils ont beaucoup mis l'accent sur la partie infiltration et la partie action, donc tu peux le jouer comme tu veux. Ouais. Sauf qu'au final, la partie infiltration, elle sert à rien. Elle sert à rien dans le sens où dès que tu te fais repérer, en fait, le mec, il va faire demi-tour, il va courir, sauf que si t'arrives à le tuer avant, bah, il se passe rien. Sauf qu'ils ont tous des radios avec eux, et tu les entends parler à la radio. Et il n'y en a pas un qui dit, attention, il y a un mec à tel endroit, enfin, à la Metal Gear, quoi, du coup, puisque c'est aussi un peu le comparatif qui a été fait. Attention, il y a un mec à tel endroit, allez-y, il faut charger, envoyer la sauce et tout. Rien, il se passe rien de tout ça, quoi. Donc du coup, t'as aucun intérêt, si tu veux, à jouer la partie infiltration. Donc, t'es vite limité, quoi. Oui et non, parce que t'as quand même pas mal de possibilités de passage dans la qu'on appelle ça l'architecture des niveaux. Où tu vas avoir des petits couloirs standards, si tu veux, où tu marches, tout ça. T'as des conduits d'aération qui sont au sol. Tu peux t'agripper à tout ce qui est métallique, donc c'est-à-dire que tu peux monter sur les murs, tu peux faire de l'escalade. Si t'as des poutres, si t'as des grosses poutres en ferraille, qu'on appelle ça des poutres de soutènement, tu peux t'agripper dessus si tu veux monter jusqu'en... Ouais, voilà, des IPN, merci. Donc là-dessus, c'est vrai que t'as la possibilité de faire tout ça. Mais le problème, c'est que tu n'en as pas d'intérêt. Parce que tu vas mettre 3 fois plus de temps à faire tout le tour, à faire l'infiltration, que à avancer, à activer le bullet time, à faire un... Oui, mais un headshot. Ça, c'est ta façon de jouer. Justement, t'as le choix. Oui. T'as le choix de jouer bourrin, donc la partie action, ou jouer la partie infiltration. Et bien entendu, faire de bruit, tu prends du temps, quoi. Ouais, mais tu fais toujours du bruit. Tu fais du bruit quand tu marches, que tu sois accroupi. Ah bah ouais, debout, t'es un robot. C'est surprenant. Ouais, c'est vrai. Et même, sauf que même quand tu marches debout, t'arrives derrière un mec, le mec il te calcule pas. Ah bah, s'il est con, il est con. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, c'est vrai que c'est bien qu'ils aient laissé les deux, parce que qui peut le plus peut le moins. Par contre, le problème, c'est que tu n'as aucun intérêt en fait à jouer en infiltration. C'est ça que je trouve dommage. Bah, l'infiltration, en fait, faut que ça se justifie dans le gameplay. En général, dans les jeux de l'infiltration, comme Metal Gear, comme tu disais, où tu avais Splinter Cell, dès que tu te faisais repérer, après, t'en chiais, tu pouvais t'en sortir. C'est ça. Mais là, c'est pas le cas. Chiais. Ils te rajoutent du bullet time là, donc du coup, l'infiltration n'a plus grand intérêt. C'est les jeux modernes, parce que, alors là, on parle d'un jeu VR, mais si je transpose par rapport aux jeux d'Ubisoft, pour les citer, là, les Wildlands et Breakpoint, c'est pareil, tu vas déclencher des ennemis quand tu essaies de faire une partie d'infiltration, et puis dès que tu te planques, les mecs, au bout d'un moment, tu passes de rouge à orange et ils redeviennent blancs. C'est-à-dire que c'est bon, il y a mon collègue à côté, il est mort, mais il n'y a personne, c'est bon, allez, on continue la vie. Tant pis. Mais on est exactement dans la même chose. Donc, Là, c'est pire. C'est pire parce que t'es vraiment dans la promiscuité avec tes ennemis, mais c'est pour moi le raisonnement, il est exactement le même. On est dans des jeux modernes où c'est du consommable. Mais tu vois ce qui est. Non, mais ce qui est dommage, c'est qu'à côté de ça, t'as plein de choses qui sont super bien pensées. Ah oui, mais non, mais tout à fait. Ne serait-ce que le fait de t'accroupir déjà. Alors, tu as soit la possibilité de t'accroupir manuellement, soit tu peux le faire physiquement dans le jeu. Mm-hmm. Mais quand tu le fais physiquement, il te capte vraiment, si tu veux. C'est-à-dire qu'il te passe plus ou moins en mode furtif, où en fait, t'entends. Quand t'es accroupi, pardon, tu entends beaucoup mieux les pas des ennemis qui marchent. Sauf que c'est tellement fort, en fait, que t'arrives absolument pas à savoir d'où ils viennent. Enfin, moi, je niveau spatialisation, quand c'est comme ça, je suis largué. T'es stressé, c'est pour ça. Tu as sur chaque main, tu as des petites caméras d'observation en fait. Alors là, c'est pareil, c'est-à-dire que donc si tu veux espionner avec la main droite en fait, tu te mets derrière une caisse, derrière un mur, ce que tu veux, tu décales ta main, si tu veux, tu sors ta main, t'actives la caméra et en fait, ça va te mettre une petite caméra sur ton écran en haut à gauche sur laquelle tu vois du coup ce qu'il y a sur ta main tout en ayant zéro visibilité avec tes yeux normaux. Et tu as même la possibilité, ils ont été loin, tu as la possibilité de zoomer et tu peux même, je crois, écouter les conversations. Sauf que ça, en fait. T'en sers peu. Ça aurait de l'intérêt si t'as vraiment la pression avec une menace dès que t'es découvert. Mais le problème, c'est que tu n'en as pas. Tu n'as pas de pression si tu ne la joues pas furtif. Alors, l'inconvénient de ce jeu, là, je te coupe, excuse-moi, Majo, mais l'inconvénient de ce jeu, c'est qu'il avait beaucoup d'espérance. Et oui. Sa sortie a été bâclée, notamment sur PSVR. Alors, le studio, c'est Digital Load, voilà. Donc, il y a un studio australien. Et il est édité par Tripwire. Et il faut savoir que Digital Load en fait la version, ne se sont occupés que de la version PC VR et Quest. Par contre, quiz, qui a fait la partie PlayStation VR ? Et ça, personne ne le sait. Et ça, c'est quand même aberrant de savoir qu'un studio a laissé un peu son bébé entre des mains, entre guillemets, inconnues pour obscur. Nous. Et obscur. Et d'avoir accepté un tel rendu. Alors, soit ils sont liés par leur éditeur et ils sont pieds et poings liés, ils peuvent rien dire. Mais alors, quiz également de Sony, qu'est-ce qu'ils ont été faire là-dedans ? Parce que honnêtement, quand j'ai essayé le jeu la première fois, j'ai acheté mon jeu, je l'ai installé. Ok, j'ai vu que graphiquement c'était pas top. Ok, il y avait du flou. Quand tu t'approchais des objets, ça devenait moins foulou. C'est sûr que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais dans la première heure de jeu, j'étais quand même subjugué par la partie immersive et d'espionnage. Je trouvais qu'il y avait de l'intérêt et du lien. J'ai pas été perturbé par cet effet de cage, effet vue d'aigle, comme tu as pu l'être, toi, Majo. En fait, si tu veux, à partir du moment où tu ne fais que te déplacer, ça va. Mais dès qu'il y a des phases de combat, ça va pas parce que tu ne vois rien, en fait. Dès que tu tournes la tête, une rotation, ça s'était activé. Là où j'ai vraiment été dérangé par ce cage, tu vois, c'est quand on est dans des tunnels sombres. Où là, par contre, ça m'aveuglait totalement. Je voyais plus où je devais aller. Mais c'est vrai que je reconnais que... Je te rassure, sans la grille, c'est pareil parce que j'ai toujours pas trouvé la torche. Ouais, en poursuivant le jeu, par contre, j'ai découvert plusieurs inconvénients, et plusieurs bugs qui visiblement sont J'en ai plein. Voilà, il y en a d'autres qui sont toujours présents. Donc le studio avait réagi rapidement en disant Altola, c'est pas nous qui nous en sommes occupés. On va faire un patch, mais l'inconvénient c'est que quand t'as pas fait, t'es pas à l'origine du bébé de la version PlayStation VR, qu'est-ce que tu vas faire? T'y connais rien à l'écosystème de PlayStation VR. C'est quand même entre le monde du PC et le monde de la PlayStation, il y a quand même une grosse différence. Un écart. Voilà, un bel écart. Et là, l'inconvénient, c'est qu'ils travaillent dans la précipitation. Alors, ok, il y a eu un patch 1, un patch 2. Ils avaient bien dit qu'il y aurait un premier patch qui amènerait ces fameux menus dont tu as parlé, et notamment enlever l'effet de cage, de vue d'aigle. Et le patch 2, qui devait arriver plus tard, traiterait des graphismes. Donc là, je ne suis pas sûr qu'avec le patch 1.2, comme tu, 0.2, comme tu as cité, on soit vraiment dans la partie graphique. Parce que je trouve le délai trop court. Il y a un truc. Mais franchement, moi, aujourd'hui, la partie graphique, c'est quand même pas ce qui me dérange le plus. Moi, c'est vraiment les bugs. Si je reste juste sur le premier niveau, où tu apprends... non, c'est le deuxième. Où tu apprends encore à faire les commandes. En fait, quand tu changes d'Espire... De robot, en fait, à chaque niveau... Voilà, ça aussi c'est bien, c'est une phase de gameplay qui est sympa. C'est-à-dire que tu as des pièces qui te sont pas accessibles, et pour y accéder, en fait, il faut que tu changes de corps. Et quand tu changes de corps, tu as des nouveaux pouvoirs. Donc tu vois, même ça c'est bien pensé. Mais le problème c'est que ça marche pas. Ouais, il y a des bugs. T'as une partie où tu as des faisceaux laser en fait qu'il faut. Ah ben moi j'ai dû recommencer le jeu, ça marchait pas et j'ai jamais eu la vision thermique. Hein, Nocturne, et ben voilà, jamais, c'est exactement hein. ce que j'allais marché. Dire. Mais en fait, alors du coup, game design oblige. T'as des espèces de petits capteurs sur le mur, donc tu les vois, les faisceaux. Enfin, tu vois où est-ce qu'ils sont, à quelle hauteur ils sont placés. Donc t'as juste à te baisser et à passer dessous. Mais effectivement, comme tu dis, ils te disent, bon, ben, pour activer la vision thermique ou nocturne ou rayon laser, je sais plus ce que c'est, ou rayon X, tu lèves ta main droite au niveau de ta tête et tu appuies sur le trigger. Ça n'a jamais marché. Non, moi non plus, ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Tu as le système de freeze. Donc quand tu te mets derrière un ennemi, tu parles, donc tu peux lui dire freeze, ce qui veut dire bouge pas en anglais, enfin ou enfin merde, ouais, t'as stop, bien, ouais, ouais, glace. Ouais, on m'avait compris. Et ben même ça marche pas, c'est-à-dire que le mec il freeze pas, il se met pas en. Ouais mais il est con, c'est normal, il comprend garde, pas ce que tu lui dis. Il saute ta gueule. Et il comprend peut-être pas ton accent, hein, c'est tout. Mm-hmm. Non, j'ai réussi une fois et c'était dans le tuto et j'ai regardé quand même sur YouTube. Apparemment, je suis pas le seul à rencontrer ce problème. Sauf que je sais pas si je vais pouvoir le finir ce jeu du coup. Je suis donc j'ai fait les trois premiers niveaux. Je peux pas passer au niveau 4 parce que là maintenant ils me disent qu'il faut que je m'entraîne dans les différents modes défi. Mm-hmm. Donc déjà ça m'énerve un peu parce que j'aime pas quand on m'impose quelque chose quand je veux faire la quête principale. Bref, je suppose que c'est aussi pour faire un espèce de tuto supplémentaire sans dévoiler la quête. Donc je me demande si la quête est si longue que ça. Et il y a donc un défi à faire où il faut que je fasse 3 hold-up sur 3 ennemis différents. Et donc les hold-up c'est le fameux freeze. Sauf que comme ça marche pas, ben, je peux pas faire le défi. Donc je peux pas continuer. Et si ça se trouve, la quête, elle est pas terminée en fait. Ils ont balancé le jeu. Ah ouais, tu crois, ouais, mais... tu crois. Ils ont dit on va les bloquer dans le noir là, et puis on va vite faire une mise à jour, on finira le jeu plus tard. C'est vraiment là, catastrophique. Je suis un peu dans l'impasse quoi. Mais non mais là je suis vraiment dans l'impasse quoi. Après je suis carrément, il m'est même arrivé, j'ai eu deux crashs, deux écrans bleus aussi. Il m'est arrivé de passer à travers le sol et de remonter à la surface. Et de repasser à travers le sol, et de remonter à la surface en l'espace de 10 secondes. Ah, c'est pas mal ça pour les mal de mer. Hein. Ouais. C'est sympa. Et ils ont fait aussi, je crois que c'est dans le deuxième niveau, il y a une espèce de mur invisible en fait, que tu peux contourner en passant un peu plus sur la droite. Enfin, en gros, si tu veux, le mur, ils n'ont pas ouvert la totalité de la porte. Quoi. Ouais. Enfin, c'est... Là, tu peux être out of band, comme on dit, c'est-à-dire que tu sors à l'extérieur du décor du jeu, quoi. Non, justement, en fait, c'est-à-dire que tu dois, enfin, comment dire, c'est comme si tu avais un couloir, si tu veux. Tu passes, t'as un encadrement de porte, tu veux rentrer par cette porte, mais en fait, tu traces un trait au milieu de la porte, mais à gauche, t'as un mur invisible et pas à droite. D'accord. Voilà. Bah, très bizarre, quoi. Ouais, non, bah, le jeu est pas fini, toi. De toute façon, clairement, voilà, pas c'est ça. La version PSVR, elle est buggée, elle est loupée, elle a été bradée. Oui, parce qu'il a de très bons retours sur PC. Mais ce jeu a quand même intrinsèquement, il a quelque chose. Malgré tous ses bugs, malgré sa qualité graphique, il y a vraiment une patte, il y a quelque chose. Et honnêtement, je n'ai pas peur de le dire, la première fois que j'ai testé le jeu, d'ailleurs je le dis dans la vidéo, pour moi la mayonnaise était en train de prendre. Mais c'est vrai que passé les 45 premières minutes de jeu, quand tu rentres dans la mission numéro 2, ça commence à devenir ça problématique. Retombe. Ça retombe tout simplement parce que tu es confronté aux bugs. Voilà. C'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Ça te nique l'immersion en fait. Voilà. Ça te nique l'immersion. C'est ni plus ni moins que ça. Franchement, si aujourd'hui, si je dois faire un test de ce jeu, si j'ai le titre, c'est dommage quoi. Mais il a quelque chose. Ouais, il y a un ADN qui est sympa. Et ça sera ça. Et j'espère qu'ils vont résoudre le problème parce que ça fait chier de encore une fois de brader d'anticiper une sortie d'un jeu alors qu'il est pas fini. Il devait le savoir quand même là. C'est pour moi c'est un suicide commercial hein, ce qui s'est passé. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Sur PSVR. Ouais. Oui, sur PSVR. C'est pas le seul jeu d'ailleurs qui est sorti dans une version dégueulasse, dans les mauvaises conditions. Le Commander, il y en a d'autres et qui ont réussi et qui ont réussi quand même aussi à se rattraper au fur et à mesure, mais des semaines après. Le problème c'est que les ventes, hein, ça se fait. Golem, 4 jours après, il était patché. Hein. Non, mais il faut leur filer la carte d'Agartha Studio qui leur montre comment on fait un jeu fini. Je pense, ça pourrait être pas mal. C'est clair. Non, mais c'est rageant quoi, franchement c'est rageant. C'est rageant, comme vous disiez tout à l'heure, en plus c'est un jeu qu'on attendait vachement. On en a déjà parlé celui-là en podcast, on était tous comme des dingues en regardant les trailers et les vidéos de ce truc-là. Voilà, donc la version PC. La physique est cool aussi, parce que tu peux assommer les ennemis, tu peux leur mettre des coups de poing, tu peux les assommer avec une crosse, tu peux, je sais pas moi, prendre un objet pareil, leur jeter sur la tête. Enfin, tu peux les transporter. Tu peux prendre leurs armes, tu peux les désarmer pardon avec la main. Enfin, il y a plein de bonnes choses et de bonnes idées dans ce jeu, mais le problème c'est que c'est pas fini quoi, c'est bugué. Reste la version PC. Je crois que Spanx m'avait fait un retour sur la version PC qu'il a pris. Il m'a dit ouais franchement il est pas mal. Donc je pense qu'il doit être plutôt bien sur PC. Non mais il a de bons retours sur PC hein, très honnêtement. La physique est meilleure, bon, graphiquement je sais pas ce que ça vaut, mais il y a carrément moins de bugs. Hein. Apparemment tu peux virer justement les effets de gris, t'as beaucoup plus d'options comme tu disais tout à l'heure, et du coup il est jouable et il est beaucoup plus beau. Maintenant, en tout cas mieux fini. Hein. Maintenant pour ça il est jouable, t'as plus les effets de gris, t'as toutes les options à disposition, tout ça. Non mais rien que ça, franchement je veux dire comment ils peuvent laisser passer un truc pareil. Tu n'as que le réglage audio quoi. Enfin, c'est une aberration. En plus, quand t'as un comparatif à côté, je veux dire, t'as le même jeu sur PC. Tu peux pas. Ouais, c'est ça, c'est aller dans le mur directement, quoi. C'est un petit peu dommage. Donc, Aspyr 1, tu l'as bientôt terminé là ou j'aime bien finir les jeux avant de les tester, mais là, je pense que techniquement, ça va être compliqué. Alors, est-ce que j'essaye d'attendre un patch pour le sortir dans de bonnes conditions? Je pense que je vais faire un test. Je vais faire un test maintenant, et puis au pire, s'il y a un patch, je mettrai une mise à jour, un truc dessus. Tu mettras à jour, ouais. C'est pas bête ça. Ok. Et sinon, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le finir. Moi perso, j'ai arrêté les mises à jour de test parce que je pars du principe que sur console, ça doit être prêt dès le début. Donc s'il se prend une boîte, il la garde. Enfin moi perso, mes tests, je fais comme ça. On dirait t'as pas de cœur, toi. Le film d'Audiard là, avec, j'imagine. Là, non. Écoute-moi bien, tu vois. Avec le club. Disons que c'est sûr qu'ils sont réactifs. Il y a un gros problème. Ils te réparent ça dans la semaine. Mais si le machin au bout d'un mois, il y a toujours pas patché. Putain, c'est bon. Il le garde. Il garde sa note. Attends, merde. Il commence. Moi ça me dépasse d'avoir une philosophie de PC sur console quoi. Quand tu achètes un jeu, c'est de plus en plus fréquent. Et c'est devenu une normalité quoi. Ça choque personne d'avoir des jeux qui sont pas terminés. Alors dans certains cas, ça fait deux générations que ça dure. Hein. Voilà, il y a des moments, c'est des petits bugs, c'est des petits problèmes. Je suis d'accord avec ça. S'il faut, ce serait dommage. Par exemple, No Man's Sky qui est un super jeu. Il est un peu flou, un petit patch PS4 Pro, ça serait bienvenu, mais il est jouable. Un jeu, par contre, qui est une catastrophe à son lancement, et c'est du foutage de gueule, quoi. C'est bon. Ah, mais clairement. Ah. Hein. Franchement, ouais, j'aimerais bien savoir dans quelles conditions ça s'est passé avec le studio qui l'a développé, mais ils se sont fait arnaquer. Là, ils se sont fait arnaquer. Sur cette version PSVR, ils se sont fait arnaquer. Donc, comme vous l'avez compris, Aspire One, on vous le conseille pas, en tout cas pas tout de suite. Attendez le test et puis on verra s'il y a des améliorations d'ici là. En tout cas, on compte sur toi, Majo, pour, ouais, pour qu'on reste vigilant. Ensuite, maintenant, on va passer à la deuxième partie du podcast. On est déjà à quoi, 1h20 d'enregistrement. on voulait revenir. C'était la partie la plus courte. C'est ça. Sur les propos de Phil Spencer de Microsoft, Philou pour les intimes. Philou pour le les petit intimes. Philou. qui a raconté des choses pas très très gentilles à propos de la VR. Pas très gentilles. Il a donné en tout cas son point de vue sur le marché de la VR. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Son point de vue actuel. Oui, aussi. Voilà. Parce qu'on sait que sa veste est un petit peu abîmée. Alors, Phil Spencer. Il a changé, je crois. Vous remarquerez que je l'appelle Phil Spencer, je ne l'appelle pas Philou, parce qu'il n'est pas intime, lui. Ouais, mais ça, il peut l'appeler Philou, puisque. Oui, c'est vrai. J'ai croqué la pomme à cause de Black Friday. Ça, il s'est fait avoir. J'ai essayé de brancher mon WMR sur la Xbox One et ça, j'ai pas compris, ça marche pas. Tu devrais l'appeler parce que le sujet du WMR, ça doit être assez. Bon, moi, bref. 14 novembre dernier avait lieu. 14 novembre dernier avait lieu le rassemblement Microsoft à Londres. Alors, je sais pas comment on a. C'est le X19, c'est ça? Le XO19. À Londres, et à cette occasion, donc Phil Spencer a pu avoir une interview avec le site stevivore.com. Et donc, ils ont eu leur interview et puis ils lui ont posé quelques questions un petit peu décalées de cette interview qu'ils ont publié un peu plus tard, qu'ils ont publié le 26, je crois, le 26 novembre, il me semble. Donc, la question était simple. Ils lui ont juste demandé où ça en était et comment ça allait se passer avec la Scarlett pour la VR. Et la réponse a été sanglante. Donc, il a répondu clairement, personne ne vend des millions et des millions de casques de réalité virtuelle. J'ai quelques problèmes avec la réalité virtuelle. Elle est isolante et je considère les jeux comme une expérience qui doit rassembler. Nous répondons aux demandes de nos clients et personne ne demande la réalité virtuelle. La grande majorité de nos clients savent que s'ils souhaitaient vivre une expérience de réalité virtuelle, il existe d'autres systèmes pour les obtenir, sur PC et ailleurs. Je pense que nous pourrions y arriver éventuellement, mais oui, ce n'est pas notre objectif. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a déclaré. Alors, première réaction, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que justement il fallait proposer le plus de choses aux joueurs et qu'ils sont en train de faire, pour moi, la même connerie en fait qu'ils ont fait pour la sortie de la Xbox One. C'est-à-dire diviser la communauté, dire ouais, vous voulez pas jouer tout online? Eh ben, il y a une autre console qui existe pour ça, c'est la Xbox 360. Et ça leur a coûté la vie de cette génération d'ailleurs. Et je pense qu'ils sont en train de faire à peu près les mêmes erreurs. Et après, comme on disait tout à l'heure, hein, Phil Spencer, c'est un gars qui parle beaucoup, énormément, oui, qui a des idées très arrêtées à l'instant T et qui, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, voire même plusieurs années, a tendance à avoir d'autres avis sur les mêmes sujets. Ça va plus loin. Alors, avant de commencer ce sujet, on est en train de vous préparer un sujet un peu plus poussé sur cette question-là. Et on a épluché beaucoup, beaucoup des déclarations de Phil Spencer sur ce sujet, à savoir qu'il est capable de changer d'avis dans la même journée. Sur deux déclarations, sur deux interviews différentes, il annonce les choses complètement opposées. Donc ça, vous verrez ça dans la vidéo quand elle sortira. On peut déjà reprendre un petit peu tout ce qu'il a dit, phrase par phrase. Personne ne vend des millions et des millions de casques de réalité virtuelle. Alors là, tout de suite. Des millions, c'est au bout de 2 millions, non? Alors, on comprend que dans cette phrase, pour lui, c'est 30, 40, 50 millions, je suppose, c'est ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, elle est très mal formulée, parce que Sony sont déjà à 4,2, enfin, ils étaient déjà à 4,2 il y a plusieurs mois, donc ils sont déjà peut-être à 4,5, voire plus. Donc déjà, à quoi elle sert cette phrase, si c'est pour... Et après, il y a toujours cette question, j'ai quelques problèmes avec la réalité virtuelle. Tiens, c'est rigolo, parce que à l'époque de la Scorpio, ils disaient que la réalité virtuelle, c'était fantastique, c'était magnifique, c'était vraiment une technologie super cool. Ça, ce sont ces mots, hein, c'est pas moi qui les invente. Et puis après, il avait dit qu'il allait soutenir, il fallait le faire, il fallait soutenir la VR sur le projet Scorpio. Et puis là, maintenant, boum, j'ai quelques problèmes avec la réalité virtuelle. Tiens, c'est marrant, parce qu'il y a... Enfin, tout son discours a évolué d'un coup. Quoi. Oublie pas le passage Xbox One X compatible VR affiché pendant sur le site, oui, trois semaines, ouais. Et qui a été après chanté. Et hop, il se passe plus rien. Sur le site, sur la page officielle Microsoft, effectivement, il y avait écrit clairement que la Xbox One X serait la seule console qui serait capable de proposer de la vraie 4K. Pif dans la tête à Sony, et la VR en haute fidélité. Et ce qui est intéressant également, c'est que quelques 6 à 10 mois auparavant, il avait déjà commencé à tâter le terrain en disant que pour lui, la VR, c'était bien, mais que pour faire vraiment correctement tourner de la VR, il fallait au moins 6 teraflops. Comme par hasard, la Xbox One X faisait 6 teraflops. Et puis après, tout d'un coup, ah non, c'est pas assez bien la VR, elle sortira pas sur Xbox One X. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est habitué à dire le tout et son contraire en permanence. Et du coup, c'est très déroutant. Et au niveau de la communication, ça crée aussi, au niveau des joueurs, parce qu'il y a forcément les joueurs qui seront un peu pro-Xbox, qui vont suivre tous ces dires comme le Messie. Et après, ce genre de citations, on les retrouve dans les commentaires, dans des forums ou des choses comme ça. Donc, Ouais. Et c'est ça qui nous fait réagir, justement. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler ce soir. C'est pas uniquement les propos de Phil Spencer. Et c'est pas le seul en ce moment à se positionner au niveau de la VR. Défavorablement, on vous en parler. Moi, je pense sincèrement que c'est une réaction à l'annonce de Half-Life Alyx. qui est donc le prochain jeu de Valve qui est exclusivement VR, qui a plu en fait, qui a donné envie en fait à tous les possesseurs de VR sur PC, mais qui a déçu une énorme partie majoritaire de la communauté qui n'ont pas de casque, qui ne sont pas prêts à investir encore là-dedans. Et j'ai l'impression que cette annonce, en tout cas, ça a déclenché quelque chose au niveau de la communication et en tout cas de ce qu'on voit, un espèce de bashing anti-VR. C'est du bashing, qui revient avant les fêtes de Noël. Gratuit. Gratuit et qui nous gêne un petit peu et qui aide pas justement à développer ce marché qu'on aurait besoin. Tu peux dire qu'il nous énerve, hein, parce que ça fait plus que nous gêner. C'est qui nous emmerde, carrément. C'est de la mauvaise foi, là. Alors, la VR, on y a craché dessus depuis que c'est sorti, parce qu'il n'y avait pas de jeu. D'ailleurs, la plupart des journalistes qui crachent sur la VR continuent à dire qu'il n'y a pas de jeu. Alors certes, il y a beaucoup d'expériences, certes, mais il y a des jeux quand même. Il y a des jeux qui font 10 heures, 20 heures, il y en a même qui sont beaucoup plus longs, des Skyrim, des No Man's Sky, et on en a pour son pognon. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de jeu en VR, c'est faux. Et puis surtout, on crache dessus parce qu'en disant qu'il n'y a pas de jeu, donc tous les gens qui ne connaissent pas la VR, ils vont faire que répéter ça comme des perroquets en disant « Ah, il n'y a pas de jeu », alors que tout le monde le dit, mais en fait, en réalité, c'est faux. Et puis inversement, le jour où il y a des jeux comme Alyx qui sont annoncés, on va lui chier dessus encore en disant « Mais c'est une honte, Alyx en VR, qu'est-ce que c'est ce bordel ?» Alors, au final, il faut faire quoi? Quand il n'y a pas de jeu, on se fait chier dessus. Quand il y en a, on se fait chier dessus aussi. Voilà, donc on se retrouve dans une situation où au final on a envie de dire merde, qu'on dit oh, arrêtez d'être con les gars. Après, quand j'entends Phil Spencer qui balance la VR est isolante et je considère les jeux comme une expérience qui doit rassembler, isolante, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Vous connaissez beaucoup de gens qui faisaient comme nous quand on était plus jeunes, on disait aux copains de venir en mobilette à la maison et puis on allait se faire une Super Nintendo à 4, on se faisait des tournois de Street Fighter, là peut-être. Mais t'as plus de jeux, t'as plus de jeux. Il y en a très peu, et aujourd'hui les jeunes ils font quoi? Les ados ils rentrent chez eux, ils vont s'enfermer dans leur chambre. Ils jouent à Fortnite en réseau et ils vont communiquer. Et puis quand on leur dit de venir manger, ils vont pas répondre ou ils vont avoir le casque sur la tête, ils vont pas nous entendre. Donc qu'est-ce qui de dire que c'est la, vécu, la ça. Mais non parce que j'ai pas encore d'ado. Ça n'isole que visuellement, mais au final ça mais n'isole au pas final l'isolement elle-même. Donc cette phrase elle ne veut strictement rien dire, elle est juste destinée à taper. Elle est gratuite. Elle est gratuite et il faut casser la VR. Alors, ce qui est doublement intéressant, c'est que justement, parce que, alors, suite à ça, je me suis amusé à remonter jusqu'en 2013 et à prendre phrase par phrase toutes les déclarations de Phil Spencer pour voir l'évolution du personnage qui fait le yo-yo en permanence en fait. C'est un jour oui, un jour non, Mais ça, tu le développeras, je pense, dans ta vidéo. C'est exactement ça. Oui, parce que c'est assez long. Et ce qui est très drôle, c'est que cette phrase, elle est totalement gratuite, quoi. Elle arrive comme ça. Elle est destinée à casser de la VR à Noël. C'est pas une phrase qu'il a balancée au mois de juin, au mois de juillet. Il balance ça le mois de décembre, début décembre. C'est pas pour rien. Parce qu'il y a eu Half-Life Alyx aussi. Bien sûr, il y a ça. Justement. Mais dans ce cas-là, en quoi ça dérange? Et puis il y a un autre point qui est important. C'est de la récupération. C'est de la récupération d'attention de la part des joueurs. Ouais. Parce que quand tu vois les réactions justement des gens, la majorité des gens, quand il y a Half-Life Alyx qui a été annoncé, c'était épidermique hein, pour tous ceux qui n'avaient pas de casque. C'est oui, quoi on préférait un Half-Life 3. C'était un tombereau de merde. Et maintenant, en fait, c'est vraiment de la récupération. Et l'élément marketing du moment, en tout cas, quelques semaines après cette annonce-là, c'est de dire... notre jeu ne sera pas VR. Et c'est un élément marketing et j'en suis quasiment sûr. Je vais relativiser un peu ce que tu dis parce que j'ai été voir la vidéo de la bande-annonce YouTube sur Valve d'Half-Life Alyx et je crois qu'il y a un peu moins de 10 millions de vues. Et ils ont quand même 50 000 pouces haut contre 3-4 000 pouces bas. Quoi. Ah oui, donc on reste dans une moyenne de 10% de pouces bas, ce qui est normal pour une vidéo. Quoi. Voilà, je trouve que quand même la résultante, elle n'est pas si catastrophique que ça si on prend uniquement les statistiques réelles de la vidéo. Après, c'est différent au niveau du lynchage des commentaires parce que ça va plus vite de dire j'aime pas avec un pouce plutôt que de rédiger quelque chose de construit. Si tant est que ça soit vraiment construit. Fake. Et je trouve qu'il faut... à ça quand même, il faut le mettre en avant parce que on s'énerve là depuis quelques jours à dire que tout le monde lynche la VR en ce moment, ce qui est vrai, il y a beaucoup de commentaires négatifs, mais il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel, j'ai envie de te dire, quand je vois ce résultat-là, je me dis que tout n'est pas perdu, quoi, tu vois. Et c'est bien d'un côté de se rassurer aussi dans ce sens-là, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit que dans la partie négative. Il y a quand même des gens, contrairement à ce que dit Philou, qui aiment la VR. Intime, quoi. Et ça en est la preuve pour moi. Mais tu vois, une communauté qui a mis des années à se construire et à être optimiste au niveau de la VR, à essayer d'apprendre à d'autres personnes justement ce que c'était que la VR, leur faire essayer, Allez, une phrase comme ça à la con, une petite déclaration à la con, et en plus qui fait effet boule de neige au fur et à mesure. C'est énorme. L'impact. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont derrière. Ça balaye du revers de la main, voilà. Mais t'en as plein il y en a quand même par opposition qui supportent, hein, même dans les médias. T'as des médias qui sont pour, t'en as qui sont archi contre, mais. Notamment Game One qui ont fait une bonne émission à ce sujet. Ou même jeuxvideo.com, comment il s'appelle qu'on parle beaucoup en ce moment. Ils font pas mal de tests VR et ça c'est très très bien. Je sais pas si c'est pas Panta. Non, si je t'as Panta qui est bien dedans, 87, et il y a même Dafran, je crois, qui a fait le test qui est sorti aujourd'hui. On est le 5 décembre de Asgard sur PC, donc c'est très très bien. Donc ils ont 18 sur 20. Il y a du suivi, il y a quand même des gens qui sont positifs. Et qui se font lyncher dans les commentaires aussi sur le. Ouais, mais le problème c'est qu'ils se font lyncher par qui? Bah, toujours pareil. 95% des gens qui n'ont pas de casque. Qui ont ce discours-là, ces personnes qui ont entendu que la VR est isolante, c'est rigolo parce que dernièrement, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, le nombre de gonzes qui disent que c'est isolant. Avant, c'était ça fait gerber. Oui. Et c'est de la bouillie de pixels. C'est très repris. Les deux trucs. Maintenant, c'est rajouté ça. Le fait qu'il n'y a pas de jeu. Ça isole. Ouais. Et le fait que ça isole. Je vais intervenir. Vous croyez vraiment que c'est des gens qui disent ça? Ah, tu veux dire que ce serait des gens de Microsoft? Des robots? Mais, des bots? Mais si, des algorithmes? Mais si, tu veux dire que c'est Philou qui est derrière? La génération actuelle, je vais faire mon vieux compte base encore une fois, ils disent pas quoi. Ils disent un titre et après s'ils disent la deuxième ligne du premier paragraphe, c'est bien. Mais non, c'est... Spencer, il dit sa phrase, il a le droit de le dire, il a le droit de le penser. Il y a une vision commerciale de leur produit qui est derrière, donc c'est une guerre commerciale, donc tous les coups bas sont permis, c'est le jeu. Mais derrière, pour que c'est une telle ampleur, un tel déferlement de haine pour certains propos, soit les gens soient un, cons, ce qui est probable, et deux, je pense sincèrement que derrière, il y a toute une machine, toute une organisation pour appuyer dans ce sens-là. On l'a bien vu avec les fameuses campagnes des pouces et du nombre de vues sur les vidéos de YouTube qui étaient trafiquées ou quoi que ce soit. Rien n'empêche de poursuivre ta campagne de dénigrement commercial, parce que c'est on en est là pour appuyer là où ça fait mal. C'est pas compliqué, quoi. Après, on va rester quand même dans la constatation plutôt que dans la théorie du complot, parce que si tu commences à aller par là, de toute façon, comme je disais, j'y vois pas que du mauvais, moi, dans cette histoire, en fait. Parce que Microsoft prenne parti, c'est une chose. Il dit, bon, aujourd'hui, la VR, c'est à chier. Les deux écosystèmes VR, donc, c'est la PS4, et très certainement, enfin, même sûrement, futur PS5, et le PC. Si Microsoft, ils veulent se désengager de ça, qu'ils le fassent. Toi, quand tu vas aller acheter ta future console, tu te dis, bon, tu connais pas la VR, t'as pas essayé, enfin t'as des échos, tu t'es entendu dire que tu vas choisir entre la PS5 et la Xbox. Tu vas prendre quoi ? Une console qui peut en faire plus pour le même prix, bon, même si on connaît pas les prix, ou une console qui peut en faire moins, même si elle est plus puissante ? La majorité des joueurs, et je parle pas du hardcore gamer, à mon avis, ça sera la console qui proposera Fortnite, Call of, FIFA. Mais les deux le feront. En plat. Ça, oui, mais les deux le font. Ou celui qui aura une exclue comme ça. Qui aura 0,2 teraflops de plus que l'autre, ça peut faire changer des foules aussi. Moi, j'y crois pas. C'est pas comme ça que je réagirais perso, parce que je sais que c'est du flan. Parce qu'on l'a très bien vu sur les autres générations, hein, la Xbox One X avec quand même la puissance d'une PS4 Pro plus une PS4 dans une seule machine. Donc on a quand même deux consoles PS4 réunies. Finalement, qu'est-ce qu'elle a proposé de mieux que la PS4 Pro au niveau jeu ? Vu comme elle est bradée, je pense pas. Voilà. Donc quand tu faisais des comparatifs vidéo sur YouTube, tu voyais que c'était un peu moins pixelisé quand tu zoomais à 500%, quoi. Voilà. Oui, bien. Super. Ouais, c'est bien. Très bien. mais par contre, ça peut être un argument marketing qui peut être martelé et qui peut faire une différence quand même au niveau de toute cette population relativement jeune, hein, parce qu'il y a une quand même et qui vont là, dire. C'est là où il faut que Sony soit intelligent et qu'il faut qu'il le contre. Parce qu'ils sont, un peu silencieux aussi en ce moment là-dessus. Ils sont très silencieux, ils attendent. C'est pour ça qu'on est inquiet. Mais moi, je te dis, si Xbox ne veut pas y aller, qu'ils n'y aillent pas. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, de toute façon, les joueurs qui ont goûté à la VR, ils sont là. Les joueurs qui jouent à la VR, ils sont là et ils seront toujours là. Ils en auront besoin. Enfin, moi, personnellement, j'en ai besoin aujourd'hui. Aussi, ouais. Et forcément, j'irai où est-ce qu'il y en a. Donc... Mm. S'il n'y en a pas chez Microsoft, ben soit il va sur PC, ça coûte une fortune, soit il va sur ta PS5 avec ton casque VR standard, et si t'en as un, ou alors que tu paieras 180 balles ou 150 balles dans 3 ans, s'il existe encore, et t'auras de la VR qualitative à pas cher. Et voilà, et c'est là où je pense que Sony, ils peuvent tirer leur épingle du jeu, parce qu'ils ont déjà la notoriété que c'est PlayStation. Ils ont la notoriété qu'ils font de la VR et que bah ils le font plus ou moins bien et pas cher. Et pour moi, ça va naturellement aller vers chez eux, quoi. Mais effectivement, il faudrait qu'ils parlent un peu, qu'ils prennent la parole pour nous rassurer, quoi. Tu vois. Ils le feront, je pense, après Noël. En plus, là, ils attendent peut-être de vendre encore quelques PS4 Pro, commencer à parler quelques PSVR. Enfin, ça serait bien d'en parler maintenant, parce que il y a les fêtes de Noël et c'est maintenant que tu vends. Mais pas officiellement, mais il y a quand même Shuhei Yoshida qui a mis un tweet petit tacle derrière qui était très amusant d'ailleurs. Où il a lancé un vote, si vous achetez des Xbox voudriez-vous qu'il y ait de la VR ou pas? Et en fait, t'as quoi? T'as 6000 votes, je crois, qui ont été faits, et c'est 50-50. Enfin, c'est 51% pour le non, on n'en veut pas, et 49% pour le oui, on en veut. Donc, ok, il y a 2% d'écart, il y en a plus qui en veulent pas que qui en veulent. Mais enfin, bon, qu'est-ce que tu fais des 49%? De la moitié. Oui, enfin, et puis surtout quand Phil Spencer déclare « Personne ne demande de réalité virtuelle ». Oui, c'est ça. Donc, notre public ne demande pas de réalité virtuelle. Et je crois que c'était Yoshida aussi qui avait répondu « Nous, chez Sony, on n'a pas l'habitude de proposer ce que les joueurs veulent. » Ouais, c'est ça, c'est lui aussi. Ouais, mais lui aussi, il dit beaucoup et tout et son contraire. Parce que l'année dernière, au PlayStation Award, il a bien balancé également qu'ils allaient passer la vitesse supérieure. On l'attend toujours, quoi, un an après. Donc, bon. C'est de la com. Hein, c'est pas... Oui, ça. Ouais, mais c'est de la com, mais il faut qu'il le fasse, parce que s'il reste muet, les gens ils vont se dire Phil Spencer il a raison, puisque tu sais, aujourd'hui on est dans une politique où c'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est ça. Donc, si Sony ou si PlayStation dit rien, on risque fallait qu'il y ait une réaction. Pour moi, le petit tweet de Yoshida, il est bien parce que c'est la réponse minimum qu'il fallait faire et elle est faite. C'est ça. Et rapidement, hein, ça n'a pas attendu quelques heures. Ça n'a pas traîné, tout à fait. Alors après, pour apporter une petite précision, on n'est pas des pros Sony. On n'a pas d'action chez Sony. Non. Et nous, ce qu'on veut, c'est exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est de la VR, c'est la démocratisation de la VR. C'est pas, on pense pas que la VR va remplacer le jeu en plat. Non, ça aussi, c'est une idée reçue. C'est complémentaire et on n'est pas axé ou des fanatiques de la VR ou quoi que ce soit. On trouve que c'est une super technologie. On a envie que ça se développe. On a envie d'avoir des expériences et des jeux de plus en plus intéressants et que ce type de gameplay arrive à maturité. Et c'est pas en étant rétrograde comme Phil Spencer avec ses phrases ou avec d'autres gars comme CD Projekt, tu vas nous en parler tout à l'heure, Laurent, qui chie gratuitement, comme tu disais, Majo, sur la VR. C'est contre-productif. Ça nous énerve, quoi. Je vais rajouter juste un petit truc. J'ai vu donc une étude qui a été un sondage qui a été réalisé par l'IFOP. Et donc je crois que ça date d'avril ou mai de cette année pour la France, du coup. Tu as donc 41% des personnes sondées qui ont essayé de la VR. Donc ça veut dire que tu as 59% de gens qui n'y ont jamais touché. Et le discours, alors je ne sais pas si c'est des gamers ou pas, mais un discours pareil pour des gens qui n'y connaissent rien et qui ne s'y sont jamais essayés, c'est quelque chose de mortel. Ben, c'est les mêmes qui disaient à l'époque que les livres, ça rendait taré, ça donnait trop d'idées aux gens. Après, les films, c'était pareil. Et on s'est retrouvé c'est contre-productif et c'est archaïque. Concernant ce que tu disais, Sey, sur la petite phrase choc de Phil Spencer qui arrive comme par hasard juste avant les fêtes, qui est quand même la période propice pour vendre du casque, donc il a tapé au bon moment quand il fallait faire mal, c'est contre-productif pour la VR, c'est sûr, mais pour lui, en fait, son intérêt, maintenant que les Windows Mixed Reality sont morts, il faut le dire, maintenant, commercialement, ils ne sont pas morts, ils sont en rupture de stock. Non, ouais, commercialement, ils sont morts. Ça, c'est clair. Alors, ça aussi, parce que nous, on suit aussi les stocks de Windows Mixed Reality depuis maintenant 6 à 7 mois. Il faut savoir qu'il y a 4-5 mois, on avait déjà fait un article qui mettait en évidence cette absence dans le Microsoft Store des casques de réalité virtuelle, Windows Mixed Reality. Alors déjà, les casques, quand ils sont sortis, à peine 3 mois après, ils ont été bradés à 50%. Et puis, ils ont disparu petit à petit. Les stocks se sont épuisés, ils ont disparu, puis ils ne sont jamais revenus. Donc, à l'époque, Microsoft avait communiqué sur le fait que tous les casques étaient en rupture de stock. Sauf que 6 mois plus tard, il n'y a plus aucun casque Windows Mixed Reality sur le Microsoft Store, qui avait quand même un contrat avec tous ses partenaires pour mettre en avant ses casques sur sa plateforme, et donc là maintenant c'est clairement, on peut dire que c'est terminé. Maintenant, si vous en voulez un, ça sera soit d'occasion, soit sur un reste de stock chez un marchand, mais faut pas compter avoir un suivi. Tu en as quand même dans les salles VR d'arcade. Oui, il y en a pas mal, hein. Mais WMR, surtout HTC hein, en général, non? Non, c'était un Samsung, je crois. Ah, d'accord. Okay. Et donc maintenant, ça paraît évident que cette gamme Windows Mixed Reality n'existe plus. D'ailleurs, si vous allez, je me suis amusé à aller sur chacun des sites, hein, sur le, Lenovo, Acer, Samsung, HP, Dell, il n'y a plus du tout de casque. Je crois qu'il y a juste Asus, je crois qu'on a sorti un pour le marché chinois, mais il n'y a plus du tout de casque. Ils sont également en rupture sur les différentes boutiques des différents partenaires de Microsoft. Ce qui est intéressant, c'est que donc maintenant, il a les mains déliées, lui. Donc, il peut se permettre de balancer, de défoncer la VR. Et puis, et non seulement il peut se permettre de le défoncer parce qu'il n'y a plus du tout de partenariat, il n'y a plus de casque. Et au final, il peut aussi se permettre de dire qu'il existe d'autres systèmes pour les obtenir sur PC et ailleurs. Parce que de toute façon, à partir du moment où c'est sur PC, il vend des licences Windows. Parce que c'est la licence Windows, elle est imposée, c'est interdit par la loi, mais ils le font quand même. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, même en faisant de la pub pour un Vive ou pour un Oculus, il va faire aussi de la pub indirectement pour l'achat d'un PC et pour une licence, parce que Microsoft, faut pas l'oublier, c'est pas des PC, c'est pas des fabricants de hardware, ils fabriquent du software. Et c'est les seuls à avoir, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est très drôle parce qu'ils punissent, c'est de monnaie courante, c'est très connu que Microsoft ont violé plusieurs fois la loi antitrust, mais jamais, ils n'ont jamais, jamais été condamnés. Ils n'ont jamais été condamnés. Parce qu'il y a un vrai monopole, hein, un système d'exploitation qui est imposé. On ne peut pas, au niveau de la loi internationale, y compris aux États-Unis et en France, d'ailleurs je l'ai la loi, je ne sais plus où elle est, et bien c'est écrit clair et net, je vais vous la dire, attendez la loi. T'es sur Laurent. il faut le dire, parce qu'on oublie les choses après. Mais attends, là on est parti sur Windows, t'es sûr Alors non, mais c'est intéressant parce que ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, en faisant la promotion de n'importe quel casque sur PC, ils vendent des licences Windows. Bah oui, c'est ça. Donc, et en même temps, s'ils taillent la VR, eh ben, ils n'auront pas grand chose à perdre parce que finalement, ils vont pouvoir casser le marché, détruire un petit peu les gens qui sont à Noël, là, qui sont en train de se dire je fais quoi, je m'en prends un, je m'en prends pas, et boum, ils tombent sur la conversation sur ce que dit Phil Spencer. Ils vont faire quoi, les gens? Ils vont être dans le doute parce qu'ils vont se dire mince, si eux ils y vont pas, qu'est-ce que je fais, j'en prends un. Voilà, donc ça sème une confusion dans tout ça, et au bon moment, hein. C'est bien avant les fêtes. Hein. C'est toujours pareil quand il arrive ce genre de truc. Ouais, mais il faut contrecarrer cette confusion, dire qu'on n'est pas 30 ou 40 joueurs, qu'on est bien plus nombreux que ça, et que putain, des gens qui demandent de la VR, il y en a, et puis c'est tout. Et oui, ça n'empêche pas de jouer en plat. Et quoi. C'est surtout ça. Et puis en plus, il faut qu'ils arrêtent de penser que la VR remplacera le flat. Enfin, nous, c'est pas ce qu'on veut. Non, et puis il faut surtout arrêter de dire qu'il n'y a personne en VR. Quoi. C'est une aberration. En fait, c'est comme si, justement, il y avait un espèce d'intégrisme comme ça avec les joueurs VR. Ils se sentent menacés, en fait. Ouais, non, il faut plus de jeux en flat, il faut uniquement de la VR, c'est l'avenir, etc. C'est pas ça le discours. Là, c'est exactement le contraire qui se passe, c'est que genre, il y a une tonne de pseudo-journalistes, de grands acteurs du métier dans le jeu vidéo, qui disent voilà, bah si Half-Life Alyx fonctionne pas, ça sera le dernier clou qui sera planté sur le cercueil de la VR. Mais connard, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un jeu que tout le monde surhype un petit peu trop, à mon avis, qui se plante, que la VR sera morte. Il y a énormément de choses autour. Non, mais c'est ça. Parce que pour eux, il y a beaucoup trop de raccourcis comme ça. Ils sont tous en train de se dire en fait que Half-Life, c'est le jeu qui va relancer la VR. Mais à quel moment la VR elle a été perdue, en fait? On est en croissance exponentielle. Enfin, les ventes de casques sont en croissance exponentielle tous les ans. C'est pas un secteur qui fait de la baisse ou qui stagne. Et depuis que c'est sorti, ça ne fait qu'augmenter. Enfin, les ventes, il y a de plus en plus de casques, forcément, c'est naturel. Mais les ventes sont plus élevées d'année en année. Donc. Arrêtez de dire que la VR, qu'elle est stoppée. Quoi, mais ça va plus loin, parce que les chiffres avancés sont faux. C'est du mépris. C'est du mépris envers les joueurs. C'est gratuit. Les chiffres, tu leur fais dire un petit peu ce que tu veux. Quoi, par exemple, quand on entend aussi des chiffres comme par rapport à tous les comptes Steam, je crois qu'il y a combien de comptes Steam? Je crois plus d'un milliard. Enfin, bref, un milliard. il n'y a pas voilà. longtemps. Il y a 0,1% ou 0,01% d'utilisateurs de Steam qui ont un casque et qui jouent en VR sur Steam. Mais il y a combien de comptes Steam qui ne sont pas utilisés ? Moi, ma copine, hein, elle a un compte Steam. Hein. Elle l'a ouvert il y a 8 ans. Elle a acheté un jeu, elle y a joué 30 minutes et basta. Et il y a énormément de comptes morts comme ça de Steam. Ah, mais c'est sûr. Ce qui compte justement dans les comptes qui ont été créés sur Steam, mais qui ne peut pas être comptabilisé quand tu compares ça à la vente d'un matériel que tu utilises. Bah, disons que la stat en elle-même, elle est petite, mais si tu ramènes ça au nombre de comptes qui sont créés, en termes de chiffres exacts, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut croire, quoi. Ce qui nous manque, faut compter les joueurs ce actifs. Qui manquerait comme chiffre dans tout ça, ce serait, en fait. on sait le nombre de comptes, on sait le nombre de comptes actifs, on sait le nombre de comptes qui ont un casque VR. Maintenant, il nous manque l'information, combien y a-t-il de comptes actifs qui ont un casque VR ? Parce que c'est facile. Actif. On l'a pas celui-là. On n'a pas le nombre de comptes actifs. Un compte actif voilà. avec ouais, un mais, casque VR. Mais là, les pourcentages seraient beaucoup plus élevés. Et là, c'est drôle parce que si par exemple on compare les comptes, il y a 1 milliard de comptes sur Steam. Donc si on n'en prend que 1% de ces 1 milliard, ça fait déjà 10 millions de casques. 10 millions de casques et il y a 90 millions de comptes actifs. Donc ça veut dire un joueur sur 9. Donc bien sûr, c'est inférieur à ça. Mais c'est là où les journalistes commencent à partir en vrille en disant il y a 0,3 joueurs qui jouent au casque, tout le monde s'en fout. Les jeux, un jeu VR, même il est vendu à 300 exemplaires. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui connaît rien à la VR, qui regarde ses émissions de merde, on va le dire. Bah, il dit je vais pas investir là-dedans. Bah, il va dire après ouais, ce que j'ai entendu, c'est bon, j'ai compris. Mais quel est l'intérêt de faire un procès à la VR comme ça ? C'est ça qui est fou. Parce que si ça part un jour, on sera peut-être là pour rappeler ce qu'ils ont dit, quoi. C'est peut-être là pour fracasser la tête à fil avec des casques VR, mais avec je vois pas quel est l'intérêt en fait de balancer des c'est carrément des punchlines pareil. C'est plus du punchline, c'est du massacre organisé, quoi, parce qu'ils sont c'est économique et c'est contre-productif, voilà. En tout cas contre l'intérêt des joueurs et encore une fois c'est généré parce que derrière ils s'appuient sur CD Projekt, ils s'appuient sur Xbox. Sur ces deux, il n'y a eu que deux déclarations qui étaient piquantes, parce qu'on est tranquille depuis plus d'un an, finalement on n'a pas d'agression en VR. On fait notre petit bout de chemin, on est content, on regarde nos chiffres, on est content, on a nos jeux, on teste nos jeux. Et puis là, soudainement, bien, on arrive au début décembre, il y a Noël qui arrive, il y a les ventes de casques qui vont avoir quand même une période très importante pour une technologie qui est encore à l'état embryonnaire pour moi. C'est pas quelque chose qui est parti. Et on va le fracasser à cette date-là. Faut arrêter, quoi. Il faut que les mecs... Et toi, Cyril, t'en penses quoi, du coup ? Je vous l'ai dit, moi, c'est une logique commerciale. Il y a une nouvelle génération de consoles qui arrive. Soit ils brouillent les cartes, soit ils n'ont pas prévu tout simplement de développement VR, et la VR elle est en train de prendre et il sera croche aux branches, voilà, c'est tout. Moi je suis assez d'accord avec ça. On en a débattu dans le podcast c'est précédent possible. Déjà et voilà, et puis Laurent, tu dis que Filou il retourne sa veste comme un politicard. Ah, c'est impressionnant. Écoute, oui. Demain il peut t'annoncer, s'il brouille les cartes, que Microsoft va faire Xbox va faire de la VR. Moi c'est je sais pas, là, c'est l'embrasement des alors, masses là, qui... Attention, qui sourire, attention, quoi. Attention sur ce sujet-là, parce que encore une fois, c'est le téléphone arabe. Hein. Si on prend une communication pyramidale où Phil Spencer est en haut de la pyramide, il va balancer son information qui va être reprise sur l'étage en dessous par les journalistes qui vont encore la transformer, qui va être envoyée sur les consommateurs, donc les joueurs, qui vont encore la transformer. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y aura jamais de VR sur Xbox. C'est pas du tout ce qu'il a annoncé. Il a dit que pour l'instant c'était pas une priorité, mais qu'il n'écartait pas la possibilité de venir en VR plus tard. Donc ça, faut le préciser. Par contre, ce que je critique, c'est de taper maintenant sur une technologie naissante, donc une volonté de tuer la technologie. Parce que c'est juste. Parce que là où tu as raison, c'est peut-être. S'ils n'en ont pas prévu et que c'est en train de. Ah, mais oui, la mayonnaise, elle est en train de prendre. Je suis d'accord. Soit ils se sont dit, ben finalement, ça commence. C'est quelque chose qui peut devenir dangereux. Donc autant on va le massacrer tout de suite. oui. Comme ça, on sera tranquille. Et puis, de toute façon, s'ils sont en retard, c'est possible. Ouais. Imagine-toi, sur le business plan, ils n'ont pas prévu la VR. Quoi. Oh, ils l'ont prévu. Ils l'ont prévu. Déjà sur Xbox, sur Scorpio, c'était prévu. Il y a énormément de développeurs qui ont dit qu'ils avaient vu passer des casques Microsoft qui ont été annulés. Ouais, bah, tu vois, et voilà, les brevets, les dépôts de brevets Microsoft sur de la VR, il y en a. Hein. C'est un bel enfumage, quoi. Voilà. Et là la plèbe, entre guillemets, que nous sommes, on s'enflamme. Les autres là-haut, là, au sommet de la pyramide, ils soutent bien notre gueule. Ils se marrent. ils ont balancé leur petite... Ah, ils ont balancé leur merde, parce qu'ils y sont pas dedans. Et en plus, maintenant, ils n'ont plus aucun intérêt à l'être, parce que Windows Mixed Reality est terminé. Donc maintenant, ils vont s'en donner à cœur joie. Tu parles de CD Projekt avec... c'est quoi leur jeu, là? Merde, j'ai bouffé le nom, là. 2077. The Witcher. Cyberpunk, c'est 2077. Cyberpunk, ouais, voilà, ouais. Mais c'est sûr, le jeu, il a fait le hype jusqu'à présent, et puis là, bam, t'as Valve qui balance Half-Life. Mais merde. Ah ben nous, c'est con, on est un peu sur le même type de jeu, et puis, enfin, même type, pas tout à fait, mais on fait pas de la VR, on passe pour des cons, quoi. Et bizarrement, ça a été mis en avant durant l'E3 par Microsoft, par Xbox, quoi. Mais tout ça, c'est téléguidé, télépiloté, comme Spider One, là, tu vois. C'est du discours commercial. Si vous analysez les phrases de beaucoup de dirigeants dans ce genre-là, avant de vous annoncer le petit pic, la phrase qui pique, ils vont toujours poser une phrase en disant, par exemple, ils vont dire « J'aime bien le PSVR, j'en ai un à la maison ». Et derrière, paf, je t'en fous plein la gueule sur la VR, sur Sony. Je ne crois pas avoir vu un jour d'expérience qui mérite que... Et c'est bizarre, ils disent tous la même chose. Mais voilà. On ne dit pas. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que Sony, au lieu de faire des petits commentaires comme ils ont balancé, ils auraient dû sortir un bon jeu VR pour boucler la bouche à tout le monde et dire là on a un pur jeu qui sort, quoi. Ouais, mais voilà. c'est là où c'est compliqué, c'est parce clair. Que Sony, rien qu'au State of Play, quand ils ont commencé à balancer Iron Man, ils se sont limite fait insulter quand même. Ils auraient dû assumer jusqu'au bout, à la limite. Ils auraient dû assumer complètement leur position là-dessus. Aussi, Iron Man VR, ça a été le mini Alix chez Sony quand ils l'ont sorti. Vous vous rappelez du State of Play? Alors non, c'est pas Iron Man VR, le mini Alix, c'est le State of Play spécial VR, oui, ouais. premier State of Play, où tout le monde attend des annonces PS5 avec Surhype et compagnie, c'est ça. Oui, mais rappelle-toi, sur Iron Man, c'était le premier jeu du ce fameux State of Play qui était uniquement VR, c'était le premier jeu présenté, et les premières réactions, c'était « Waouh, putain, les joueurs venaient de terminer Spider-Man !» Et on leur annonce un Iron Man, un jeu en monde... Alors les mecs sont partis, un jeu Iron Man en monde ouvert, ils étaient comme des fous, et quand ils ont vu le logo VR approcher, alors là, les insultes ont commencé à pleuvoir sur les commentaires en live, et c'est là que tu te dis, putain, mais c'est dingue ça, quand on propose pas de jeu, on en revient toujours à cette boucle à la con, il n'y a pas de jeu, les mêmes qui vont chier parce qu'il y a un bon jeu qui sort en VR vont chier aussi en disant, il n'y a pas de jeu sur faut arrêter. Ouais, parce que c'est des chieurs. Ouais, c'est ça, la chiasse. C'est ça. Ah, ça y est, on se lâche. D'accord. C'est la fin de la journée là. C'est du troll. C'est du troll. Disons que tout à l'heure, je parlais de la pyramide. Troll gratos. Je pense pas qu'il y ait d'organisation ou d'entreprise privée qui soit payée pour troller. Ça existe peut-être, mais on n'a pas de preuves là-dessus. Oui. Par contre, c'est les Martiens. Ça existe certainement. Ça existe certainement. Franchement, tu peux bien acheter des vues numériques sur YouTube. Oui, tout à fait. Tu peux bien pouvoir payer des gens. Alors, une entreprise qui est son business plan en vendant du trollage gratuit à grosse échelle, pourquoi pas? Ou c'est possible. Mais en admettant que ça n'existe pas, mais il n'y a même pas besoin de ça, parce que ton armée, tu te la fais très facilement avec un système pyramidal. Tu balances une phrase choc, tu sais qu'elle va piquer. Tu sais que la presse derrière, il y en a qui ont des intérêts, il y en a qui n'aiment pas la VR, il y en a qui ont été malades une fois. Surtout qui sont payés pour faire ça. En plus, il y en a qui ont des contrats publicitaires avec Microsoft. Et il se passe des choses et ils ne le disent pas. Et derrière, et ben, ils ne font que répéter le discours de Microsoft parce qu'ils se disent « Merde, c'est mon principal sponsor. » Je vous donne une exclue là. Sony vient de sortir en VR Fortnite. Et si tu achètes le jeu Fortnite avec le PSVR, t'as 100 000 V-Bucks qui sont offerts. Tu crois que ça va marcher là? Oui, ça marcherait. Voilà, ça marcherait. Ça serait une énorme annonce. Voilà. Et en plus, le jeu serait bien. Voilà. En plus, oui, il serait enfin bien. Ouais. J'y jouerais peut-être même en plus. Non mais dis pas ça, putain, tu vas te mettre les flats à dos. Je suis un gros consommateur de Fortnite, c'est pas moi qui joue. Mais à la maison, il tourne beaucoup, quoi. Mine de rien, les jeux VR à la troisième personne, ça marche. Ah bah oui, bien sûr. On n'arrête pas de le répéter, de toute façon. Qu'on est complètement convaincu que ça fonctionne et qu'on a déjà essayé. Et qu'il y a tous les exemples qu'il y a sur PC. Ce côté Alix est peut-être le détonateur de l'histoire. Ça, c'est pas impossible. Parce que Phil Spencer, quand il a commencé, il a dit qu'il avait essayé Alix et qu'il avait trouvé très bien. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la phrase de tout à l'heure, on va dire d'abord, moi, j'ai un PSVR à la maison. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait chez Sony. Et derrière, paf. Et là, c'est pareil. Il dit, moi, j'ai essayé Alix, c'est très bien. Et repaf. C'est donc, toujours la même mécanique. C'est une mécanique. Et ce Alix, il dérange. Pourquoi ? Parce que c'est le premier... On va dire, c'est pas le premier gros jeu VR, c'est ce qui est annoncé. C'est une grosse licence qui est attendue. C'est la deuxième. C'est une grosse licence attendue. La première, c'est Resident Evil. Exactement. C'est une licence qui est très attendue et qui finalement peut venir mettre un grain de sable dans leur petit engrenage qu'ils ont prévu dans leur petit business plan. Il a mis pour qu'ils réagissent, et il a mis. Et il a réagi pour descendre la VR parce que de toute façon ils n'ont plus de billes dedans. Donc allez maintenant on le massacre. Il y aurait eu Medal of Honor qui va sortir. Ouais. Oui c'est vrai. Mais Valve n'a pas répondu. Il y aurait eu encore les Windows Mixed Reality en place. Ça aurait été délicat parce que la réaction qu'il a eue là, tout en proposant avec des partenaires des casques, ça aurait été délicat parce qu'il aurait pu se faire beaucoup plus critiquer pour ça. Mais là maintenant il a les mains libres, donc c'est là où je dis que les Windows Mix sont complètement terminés, c'est foutu là. Avec une réaction pareille, si tu dis qu'on peut les acheter ni sur le il n'y en a plus nulle part store Microsoft, ni il y en a, t'en trouves encore neuf, mais c'est des mecs qui les ont achetés qui les revendent à 400 ou 500 euros quoi. Mais Microsoft a toujours des soucis avec ses partenaires qui font du hardware, hein. Mais Microsoft, pourquoi ils veulent aller autant dans le cloud, c'est que c'est des vendeurs de logiciels et ils veulent se séparer de la boîte du PC à terme. C'est là où il y a un gros business pour eux, c'est que Microsoft deviendra votre ordinateur. Donc il n'y aura plus de Dell, il n'y aura plus de HP, il n'y aura plus de Samsung, il n'y aura plus rien. Après, quand ils seront passés à la phase console, mais je parle à long terme. En tous les cas, je suis impatient de voir ton dossier vidéo, sur le comment du pourquoi, qu'est-ce qui va arriver, je vais te casser la gueule ou pas. Il va être drôle parce que justement j'ai tout repris depuis le début et puis je suis en train de décortiquer tout ça. Donc ça devrait arriver, je vais essayer de le faire rapidement. Bon, en tout cas, on tenait vraiment à en parler ce soir parce que c'est quelque chose comme on n'arrête pas de vous le répéter, qui nous emmerde en tout cas. Qu'on trouve gratuit et qui nous tient à cœur et qu'on trouve vraiment dommage et contre-productif. Voilà, et en tout cas, voilà, on tenait à vous en parler, et puis surtout, on aimerait bien avoir à vous vos réactions et savoir un petit peu ce que vous en pensez. Quel est votre avis en fait sur cette communication générale ? Est-ce que vous pensez que la communauté de la VR peut justement se défendre ? C'est pas une guerre non plus, hein, ça on le répète encore et encore. Hein, on n'est pas des porte-drapeaux, mais est-ce que vous pensez justement que les gens vraiment qui sont passionnés de VR peuvent encore se faire entendre, ou est-ce qu'ils sont condamnés à être pris sous un espèce de flot de communication et qui est complètement anti-VR et complètement improductif. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires de l'article sur VR for Player. Ça nous avait fait plaisir ça nous a fait plaisir en tout cas de vous en parler, et puis voilà, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur vrplayer.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, non. Sur Twitter aussi. et voilà. Puis j'espère que cette émission vous aura plu. On remercie les tipeurs plus que jamais encore de nous soutenir. Venez discuter un petit peu avec nous sur les forums. Et venez discuter les tipeurs, tiens, sur le podcast. Et pourquoi pas un jour venez discuter avec nous carrément dans l'émission, ça nous fera vachement plaisir. On vous fait de gros bisous, on vous dit à dans 2 semaines, toujours autour d'un VR, à bientôt, ciao. Allez, en fait, ciao. Ciao, ciao. en fait, ciao. Oui, en fait. À bientôt. Allez, salut tout le monde. Faut parler quand même de projet de CD Projekt, nos amis les Polonais. On le dit pas ça ? Non. Non. Bon, je pense qu'on va s'arrêter. Quelle heure il est ? 2 heures. Ah oui, c'est 2 heures. Pour deux toi, heures. Tu commences ta journée, mais nous. 2 heures d'enregistrement. Tu vas pouvoir couper ? On a fait une pause entre le moment où je suis reparti. Oui, ouais. T'inquiète.